01 42 48 5000. Vous allez pouvoir continuer d'appeler Fun Radio. C'est Mickaël No Limite qui débarque. Nous on se retrouve dès demain, ouais, 20h sur Fun Radio. On sera là avec toutes vos questions. Je rappelle que si vous voulez coller votre stickers, hein, n'hésitez pas. Pour recevoir vos stickers, vous envoyez un petit mail à loveinfun@funradio.fr. Bonsoir Mickaël. Mais je pense que si vous envoyez ça à lilou@funradio.fr, vous gagnez un peu de temps. Ah pourquoi? Voilà, je sais pas, je pense que ça va plus vite. Donc n'hésitez pas, hein, lilou@funradio.fr, et envoyez-le bien 3-4 fois pour être sûr qu'elle l'est. Hein. Tu veux pourrir son adresse mail, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Exactement. Lilou. Droit de réponse, vas-y Lilou. Oui, attends, elle va à son droit de réponse. Suce-moi. Voilà. Vas-y Lilou, je te défends. Droit de réponse. Vas-y. Lilou. Arrête, quelle va. Laisse ma Lilou tranquille, Mickaël. Ça va Lilou, pas le faire. Je vais débarquer dans ton studio. J'ai pas de bite. Comment tu veux que la suce ma bite? J'en ai pas. Polo, ma bite. Parfait. Espèce de schlag, va. Tu parles pas comme ça, Mickaël. Moi, il va y avoir bataille d'équipe. Faites gaffe à lui. Vous êtes perdants, les gars. On vous fume. J'arrive tout de suite dans mon studio. Mais que vois-je, le doc à nouvelle coupe? Oui. Bon, par contre, il devrait avoir une nouvelle voix. Parce que. Qu'est-ce qui se passe, doc? Parce que si tu veux, je connais des médecins. Ça va, j'ai guéri, tout va bien. Ah, ça va mieux. Vous cherchez la merde ce soir, l'équipe? Non, mais c'est parce qu'on était seul hier soir, on était seul abandonné le dimanche, donc voilà quoi. On était en week-end, on était tranquille. Oui, ça, on a bien marié. Si tu veux te faire pardonner, on va venir gratter des iPhones dans ton émission. Ah, ben y en a plus, c'est dommage. T'as des jeux, j'ai vu les photos sur Instagram. Ah, oui, ça, oui, effectivement, les jeux, ça, on les a, oui, c'est vrai. T'as quoi comme jeu? Il y a Beyond Two Souls qu'on va filer tout à l'heure. T'en mets un de côté? Oui, pour un auditeur. Avec plaisir. Oh, et Karel, t'es blindé, t'as pas acheté 10, toi. Que dalle, ouais. Arrête. Sinon, tu fais comme Mickaël, tu fais les parkings d'autoroute. Hein. Voilà. C'est l'idée, ouais. Ça, c'est une bonne info. Comment tu crois qu'on a des cadeaux, nous? Ben, c'est ça. Bon, ben, bonne soirée à vous. Bonne émission, à demain. Salut. Ciao et retour de Love in Fun, évidemment, demain, bien sûr, à partir de 20h. Ciao. Quand même pas une pute, hein. 23h, 2h. Mickaël No Limite. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue, ouais, tout le monde. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver là, en plus de plus en plus nombreux tous les soirs. On l'a bien vu, on a passé les 200 000 hier sur le Facebook grâce à vous. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a mis la photo. Je vous avais demandé hier de nous envoyer des photos. C'est-à-dire que vous avez été tellement nombreux qu'on n'a pas pu mettre ça dans la seule photo qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on voulait mettre toutes des petites photos de vous pour faire un 200 000 machin, etc. Et donc vous étiez trop nombreux. Donc du coup, on n'a pas pu tout mettre, mais on en a quand même mis plus de 1000. Hein. Dans la photo là, il y en a 1200. Bon, on en a chié, on a bossé jusqu'à ce matin là. On a donc, coupé ça. On a découpé, surdécoupé, redécoupé. Enfin bref, une histoire. Bon, allez voir facebook.com/Mickaël officiel. Si vous avez, vous aussi envoyé votre photo hier à toff@funradio.fr. Ça ne sert plus à rien d'en envoyer. Là, c'est fini, là, c'est trop tard. Mais vous pouvez venir voir, évidemment, donner vos avis, bien sûr, hein, facebook.com/Mickaël officiel. On est plus de 200 000 grâce à vous. Et je vous remercie. Et plus d'1 500 000 sur la page de Fun. Bref, tout va bien. Ça monte et grâce à vous, ça fait plaisir. Bon, et comme vous êtes donc nombreux déjà à découvrir l'émission, la preuve, on va refaire les présentations. Moi, c'est Mickaël, évidemment. L'émission, c'est Mickaël No Limite. On est avec vous du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche soir, comme hier, de 20h à minuit. Et pour délirer avec nous et avec vous aussi d'ailleurs, eh bien, il suffit de faire le 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0 et vous arriverez ici comme Julien qui est avec nous, qui a déjà composé le numéro. Salut, Jus. Salut. Comment vas-tu? Ça va. Passez une bonne journée, Jus. Ouais, ça va. T'as fait quoi aujourd'hui? J'étais en cours. En cours? Ah merde, cours de quoi? Cours de vente. Cours de vente, d'accord, ok, très bien. Bon, et on parle de quoi dans un instant avec toi, Jus? Je viens balancer un coup de gueule contre les filles qui ont leur règle et qui préviennent pas. Ah ouais, d'accord, ok, oui, bon, on va en parler effectivement dans quelques minutes, Julien. Bienvenue chez les crados. Ouais, si jamais ça vous est déjà arrivé, les mecs, justement, de tomber comme ça, c'est la surprise. Je savais pas, c'est arrivé comme ça par hasard. Venez nous en parler, appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Pareil pour les filles aussi, venez nous dire comment ça marche. Est-ce que ça vous arrive comme ça d'arrêt, comme ça, hop, boum, ça y est, ça tombe dessus, on sait pas, sans prévenir, je sais pas. Sandro, sans prévenir. Est-ce que tu sais automatiquement quand ça arrive? Ah oui, tu peux faire des calculs, hein. Tu peux savoir. Sandro, je sais plus comment vous expliquer que. Ah non, mais Sandro, elle a un tableau dans sa chambre et avec la logarithmique de la lune et le mouvement du balancier de son pendule, elle y arrive. Quand tu prends la pilule, en général, tu sais à peu près quand ça va tomber si t'as pas envie de tenir un agenda, quoi. Bon, venez nous en parler, les filles et même les mecs. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Tiens, Sandro, est-ce que tu te trouves l'aide? J'ai des complexes. Ah non, parce qu'il paraît que les filles, se trouveraient plus laides le lundi. Ah, le lundi. Oui, le lundi uniquement, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, bah, pour nous dire si c'est vrai ou pas, les filles, on vous attend encore une fois. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tu te trouves laid ou tu te trouves beau, toi, Julien? Ouais, ça va. Ça va, il y a pire. Bon, j'ai pas à me plaindre. T'es pas un boy, bah écoute, tant mieux alors, parfait. Et puis, attends, ah oui, oulala, Tof, je te pose pas la question. Hein. Moi, je me trouve très très beau le lundi. Ouais, mais pas les autres jours. C'est le seul jour, mais c'est parce que je décuve encore du week-end. Ah oui, ça doit être ça le problème. Bah justement, tiens, ce soir, tu vas prendre cher, hein, je te préviens directement, j'ai trouvé une idée absolument magnifique pour que tu puisses faire tes petits appels. Vous savez que Tof aime bien appeler les gens. Ah, il adore ça. Ah bah voilà, c'est ça. Et je pense que j'ai appelé ma grand-mère tout le week-end. Bah t'en déconne. Et à mon avis, elle m'a raccroché au nez, je comprenais pas pourquoi. Sans blague. Et à mon avis, ça va être pire que ça. Ma bite. Ah non, merde, pardon, je me suis bourré. C'est nique ta race. Voilà, ou par exemple celui-là. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, donc ça risque d'être pire, effectivement. Bien, bien pire. Donc restez avec nous. Et puis on accueille évidemment le grand joueur de pipo, j'ai nommé Polo. En pleine forme, oui, évidemment, ça hein, va comme très d'habitude. Bien. Ouais. Il est là, bien sûr. Et puis pour les Twitter addicts, attention, comme tous les soirs, on va faire le top tweetos. Pour participer, eh ben, c'est facile et puis c'est gratuit surtout. Il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Mickaël. À la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus actifs. Et hier, c'était encore Let's Be Freak sur la première marche du podium. On va voir si ce soir, quelqu'un arrivera à la déloger. Elle a un peu de mal le lundi, je sais pas comment ça se fait. Donc si vous voulez tenter votre chance, le lundi, l'alcool, vous avez, c'est comme pour moi. Peut-être, vous avez peut-être plus de chances donc de choper sa place au niveau des top tweets aussi. Il y a le prince Nadia d'ailleurs qui a fini 3ème hier, qui dit quelle sympathique bienvenue, avec plaisir le prince Nadia. Kylian qui dit salut l'équipe et bienvenue, merci à toi. Clem qui dit on entend le rire de Polo à 3 km. Et puis Ludovic qui dit aussi bonsoir au meilleur animateur du soir. C'est Ludovic qui a envoyé son message, merci Ludo. Je crois que j'aurais préféré qu'une fille me fasse ce compliment. Et Laurent qui dit salut, comment est-ce que vous allez? Bon, on va plutôt bien, hein, plutôt bien, tranquillement. Adeline aussi qui dit lundi uniquement. Ah non, moi c'est tous les jours que je me trouve laid. Bah non, Let's Be Freaks qui dit Tof t'es toujours très beau. Et Ted qui dit mort de rire, elle se sent plus laide le lundi. Je me demande c'est quoi le vendredi avec la fatigue. Bah, c'est surtout le samedi après la boîte, tu vois, quand il rentre. C'est ça à mon avis de pire. Ouais, mais, bon. mais là, de toute façon, elle rentre avec n'importe qui, ouais. Donc elle se rend pas compte. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah venez nous en parler en tout cas, les filles. Soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. 23h, 2h. Il y a enfin une émission qui vous écoute et avec laquelle vous allez pouvoir vous marrer jusqu'à 2h du matin. Bah, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. J'ai calé du son ce soir. Van Dijk avec Backer Matt. Enfin, plutôt Backer Matt avec Van Dijk, hein, c'est plus logique comme ça. Qu'est-ce que t'aimes bien, Julien, toi, comme son, là, en ce moment? Animals, Martin Garrix, ouais. Bon, bah, ouais. Te le mettre aussi, Martin Garrix. Où est-ce qu'il est, celui-là? Il est là, tiens, hop là. Voilà, je te le mettrai tout à l'heure sans problème. Je vous calerai également. Ah putain, une nouvelle tuerie aussi, c'est Pitbull et Kesha. Avec Timber. Et puisqu'on est dans la nouveauté, je vous calerai aussi Alesso et le nouveau Calvin Harris avec Under Control. Et je rappelle également que pour l'instant, la moyenne des statistiques de Tof en termes de mensuration pour les demoiselles, c'est toujours 90C ou c'est un peu descendu? 85C. Ah, 85C. 85C. Autant mercredi et jeudi, on a eu beaucoup de 90-95C. Autant hier, on a un petit peu descendu avec du B. Oui, ce n'est pas grave dans l'absolu, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Tant que ça tient dans la main. Voilà, c'est ça. Nous, on n'est pas dans le détail non plus, quoi, évidemment. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'on verra si ce soir on remonte la moyenne ou on descend la moyenne. Bon, bah, je sais pas. Cela dit, mesdemoiselles, vous êtes les bienvenues, bien sûr, avec le hashtag et Mickaël pour mettre vos mensurations afin de voir la statistique des filles, la moyenne, évidemment. Chez Sandro, c'est combien? C'est du C. C'est, ouais, mais le petit chiffre. Attends, faut que je vérifie en fait. Bon, Tof va vérifier. Bien sûr, attends, je vais pas le travail. Attends, parce que c'est un petit chelou. Julien, t'es d'accord? Tof, il doit aller vérifier le soutien-gorge de son nom là. Je mets les mains. Attends, vérifie. Oui, ça c'est du C. Oh, je dirais du 90. Est-ce que ça hein tient bien dans la main? Ça tient bien dans la main ou pas? Oui, non, enfin, il y en a pour demain quoi. Ah, il y a pour demain et pour demain aussi d'ailleurs. Bon, alors du coup la lettre c'est quoi? Le chiffre porte bien, je crois que c'est du 95 celui-là. Ah, non, oui, 90. Bon, attends, je la raconte. Bah Sandro est donc la moyenne des auditrices, voilà. Au palpé, il y en avait pour 90. Ah bah très bien. Il y a pas de caméra. Si, il y a des caméras, des caméras partout en fait. Ouais, mais t'inquiète pas, mais si tu te mets seins nus par contre on les allume alors. Non, mais bien sûr. C'est pour faire de l'audience. Jérôme, le boss de la radio, sera ravi de faire un pic sur le funradio.fr. Bon, et puis également les cadeaux ce soir, PlayStation 3 et le jeu bien Two Souls, ça te plairait ça Julien? Ah, carrément. Ah bah carrément, il va falloir jouer avec la colle dans un instant. Tiens, la colle, il y a Clément qui est avec nous là maintenant. Bonsoir Clément. Bonsoir Mickaël. Comment bonsoir ça va? Ça bon, va nickel. Bon bah tant mieux alors hein, Clément. Et on m'avait dit que j'avais plus mis de lance-flamme depuis longtemps. Tiens, attends, on va mettre dans la gueule de Tof. Ah, Voilà, le lance-flamme est toujours là, rassurez-vous, il est en pleine forme. Bon, c'est pour ça que Clément, plus beau aujourd'hui. Bah, ça doit être ça, ouais. Bon, Clément, on va se faire la colle pour repartir peut-être avec ta PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que mercredi et qu'on vous offre comme la semaine dernière en... Exclusivité. Bien entendu. Bon, alors, vas-y Clément, quelle est la colle de ce soir? Donc, alors, c'est l'histoire de deux voisins. Oui. Il neige pendant la nuit. Le matin, l'un se rend compte qu'il y a trois fois plus de neige que chez l'autre. Chez l'autre que chez lui, pardon. Ouais. Pourquoi? Bon, je vais la répéter, hein, Clément, oui. Le Stéphanois, si tu permets. Donc, c'est l'histoire de deux voisins. Il neige pendant la nuit. Le matin, l'un se rend compte qu'il y a trois fois plus de neige de l'autre côté que chez lui. Pourquoi? C'est ça? Voilà, tout bon, à fait. Si vous avez une idée, à vous de jouer, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir ce qui se passe sur le Facebook de l'émission, puisqu'il y a la colle qui est écrite. Comme ça, vous allez peut-être la visualiser. Ce sera peut-être plus facile pour vous, je sais pas. Donc, facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, je répète encore un coup, Clément. C'est l'histoire de deux voisins. Il neige pendant la nuit. Et en gros, chez l'un, il y en a trois fois plus que chez l'autre. Voilà, voilà. De neige. Et donc, ils se demandent pourquoi, à votre avis, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou 63 22 pour la Belgique. Clément, je te dis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, et on donne la réponse avant minuit 30 sur Fun Radio. Avant minuit 30, on tire quelqu'un au sort pour lui offrir justement cette PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira évidemment que mercredi et qu'on vous offre un exclu. Bien sûr. Julien, tu ne suis absolument pas, hein. Je n'ai pas entendu le exclu. Ouais, je l'ai dit, l'exclu. Hein. Ah, attends, je recommence. Et qu'on vous offre un... L'exclu. Évidemment, voilà, yes. Parfait Julien. Bon, alors, toi on va parler des filles un peu crado, c'est ça Julien? C'est un coup de gueule que t'avais à passer envers la gente féminine. Ouais, c'est exactement ça. Bon, très bien. Alors, le coup de gueule, donc en gros, comme tu nous as dit, c'est que ce qui te fait chier, c'est que t'es déjà tombé sur une meuf en gros qui a eu ses règles et elle t'a pas prévenu quoi. Non, c'est un pote. Je croyais que c'était un pote qui avait eu ses règles. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, c'est un pote qui a eu cette histoire, c'est ça? Ouais, c'est exactement ouais, ça. Ouais, moralité, c'est toi, mais t'oses pas le dire. Non. T'inquiète pas, on a compris, tu sais. Oh là là, le nombre de fois où c'est déjà arrivé, ça. Oui, en fait, j'ai un pote qui est un peu précoce. Il voulait avoir des conseils. Ah ouais, mais pourquoi il nous appelle pas? Parce qu'en fait, il a pas de téléphone. Il est tombé dans les égouts, tu comprends. Puis il y a une voiture qui a roulé dessus. Bref, là, il peut plus parler parce qu'il est muet. Donc, mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce que je peux faire pour lui donner des conseils pour le fait qu'il soit précoce? Bref. Donc, ça t'est arrivé, hein, Julien? Mais non. Mais si, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. On t'aime quand même comme ça, Julien. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton ami? Gros clin d'œil. Oui, que vous ne voyez pas en radio, évidemment, hein. Donc? En fait, on était en soirée, tranquille, posé. On avait bien bu et tout, puis tout d'un coup, j'ai vu mon pote partir dans la chambre avec la fille. Ouais. Et du coup, bah voilà, on les a laissés et tout. Le lendemain matin, on est rentré dans la chambre et là... La cata. Très bien. Bon bah tu nous racontes la suite dans 5 minutes, Julien. Le temps d'écouter Back Your Mat avec Van Dyke, d'accord? Ça marche. Bon, reste avec nous, Julien. Les filles, les mecs, ça vous est déjà arrivé? Ça, venez nous en parler. 01 42 48 5000 02 851 4x0. C'est le numéro du standard. Vous nous appelez d'où que vous soyez en France ou en Belgique. Ça fonctionne évidemment. Et puis on va revenir avec le son de Back Your Mat juste après la pub. Ce sera Van Dyke. Et puis alors restez bien là. La pub elle dure 58 secondes. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Allez, vous continuez à balancer tous vos messages, évidemment. On est toujours en train d'essayer de checker, voir la moyenne des auditrices de Fun en termes de tour de poitrine. Il y a Luna S qui dit, moi c'est bientôt 90D. Ah ouais, quand même, hein, c'est pas mal. Yaku aussi. Pourquoi moi, bientôt c'est... elle va se les faire faire? Bah peut-être, ou alors ça monte, tout ça, je sais pas. Il y a Fanny qui dit, salut l'équipe, moi c'est un petit 90B. Pour moi, la bonne soirée en perspective avec vous. Bah merci à toi Fanny d'être là. Il y a également d'autres messages qui sont arrivés. Il y a Plazzy qui dit aussi, ou Plaz, je sais pas. Posez en écoutant Mickaël. Bah écoute, sois le bienvenu, Plaz. Et puis Ted qui dit, les filles sont un mystère de la bêtise parfois quand même. Ouais, dis donc, toi tu tombes. Comment te dire que si on doit commencer à parler des mecs, on n'est pas dans la merde. Il y a 73 VW qui dit aussi un petit coup de pelle pour commencer la soirée. Évidemment, j'en ai déjà mis une là, hop là. Tiens, dans la gueule, bah voilà, en toute simplicité. Allez, vos messages, vous les balancez 01 42 48 5000. Et je vous rappelle également qu'il y a toujours la colle de Clément là. C'est l'histoire de deux voisins. Il neige pendant la nuit. L'un se rend compte en fait qu'il y a trois fois plus de neige chez lui que chez l'autre. Pourquoi? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël par SMS au 64 900. Mickaël la réponse au 64 900. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, je vous offre votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que la semaine prochaine, qui ne sortira que mercredi et qu'on vous offre donc en exclu. Voilà. Et là, on va s'écouter Back en Maths. Back en Maths sur Fun Radio, c'est encore un son que vous avez découvert chez nous, ça. Back en Maths avec Van Dack, c'est le hollandais, hein. Ça se dit Van Dack d'ailleurs pour être précis. Soyez les bienvenus tout le monde. 23h, 2h. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limit sur Fun Radio. Et attention, il va y avoir du lourd puisque tout à l'heure on fera comme chaque lundi le chéri, je peux te faire cocu. Ah oui, le chéri, je peux te faire cocu avec des cadeaux à gagner, notamment les écrans plats LED Full HD qu'on a à vous offrir. Et si vous voulez tenter de gagner cet écran plat, justement, à vous de rendre votre mec ou votre copine complètement dingue. Et bah appelez-nous déjà pour vous inscrire 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Le chéri, je peux te faire cocu, c'est très simple. Vous appelez, alors on va prendre l'exemple d'un seul mec, hein, ou d'une meuf, peu importe. Bref, vous êtes une meuf, vous appelez votre copain. Ça marche dans l'autre sens, bien sûr. Donc vous êtes une meuf, vous appelez votre copain et bah vous lui faites croire que vous avez rencontré un autre mec. Pas que vous sortez avec ou que vous avez couché avec, hein, loin de là. Juste que vous lui demandez la permission d'éventuellement coucher avec un mec, en l'occurrence moi, c'est-à-dire Michel. Hein. Hey, le beau Michel, le grand Michel. Ouais. Voilà, c'est ça, le mec qui arrête pas de gueuler et qui est juste insupportable. Donc si vous voulez rendre dingue votre copain ou votre copine et en même temps, au passage, hop là, vous chopez votre écran plat LED Full HD, eh bien vous vous inscrivez maintenant 01 42 48 5000, vous appelez Sandro au standard ou 02 851 4x0 et le chéri, je peux te faire cocu, ça peut vite terminer comme ça. Et maman dans ta gueule, elle va préférer aussi. Voilà, ou comme ça. Est-ce que tu te rends compte de la chance que j'ai, que t'as? Et ta sœur. Eh oui, et ta sœur où ça? Une pute comme toi, autant que je la trompe quoi. Non, vas-y, vrai, c'est mais bon. Mais ta gueule, tu le retiens, mais tu le retiens toi. Eh oui. Moi, je sais même pas pourquoi je pète un pont, mais en fait, autant que je te l'avoue, je t'ai déjà trompé aussi, tu vois. Voilà, donc ça, c'était un spécial chérie, je peux te faire cocu entre femmes qui aiment les femmes. Bref, si vous voulez jouer, donc vous connaissez le principe, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, vous nous appelez. C'est aussi simple que ça. Retour avec Julien, là. Toujours là, Julien? Toujours là. Bon, c'est parfait. Déjà top tweet à votre 3h15. Là, dis donc, vous êtes au top ce soir. Il y a Lilou aussi qui dit ce soir, j'ai envie de tweeter comme une grosse truie pour être le top tweetos. Ça, bah, bonne chance, Lilou. Vas-y, Lilou qui dit top, c'est un cœur à prendre ou pas? Bien sûr. Non, c'est une bite à prendre, ce qui n'est pas la même chose, ce qui n'est absolument aucun cœur. Oui, mais j'ai un cœur gros comme ma bite. Ouais, c'est ça. Il y a Marine aussi qui dit bon, si on parle là-dessus, moi c'est 95C. Ah, très bien. On est en train de faire un petit inventaire des auditrices de Fun, puisqu'on s'est rendu compte depuis une semaine que les plus belles filles de la radio écoute Fun. C'est vrai. Non mais c'est vrai, véridique. On a fait un sondage, tout ça. Oh, on s'en est bien rendu compte depuis la semaine dernière. Les filles les plus jolies écoutent Fun Radio. Et donc on fait un espèce d'inventaire pour voir un peu le tour de poitrine. Rassurez-vous, on fera ça chez les mecs également aussi pour voir au niveau de la bite combien ça fait. Hein. Mais d'ailleurs, chaque chose en son temps. Pour ne, justement, comme c'est scientifique, n'hésitez pas à envoyer vos photos et vos mensurations à funradio.fr. Ouais, un coup de pelle dans ta gueule. C'est scientifique. C'est ça. Il y a un message qui t'a qu'à demander à Valentin. Ben voilà, Tof, t'as qu'à demander à Valentin. Moi c'est 95B le tour de poitrine. Très bien, continuez les filles, on vous attend. Ou vos copines aussi, hein. Hashtag et Mickaël, vous envoyez ça évidemment sur le Twitter de l'émission. On attend avec impatience évidemment. Et on accueille Virginie avec nous maintenant là pour parler des meufs crado. Enfin des meufs crado, c'est pas vraiment crado dans l'absolu. Et ça peut être un accident également. Un peu quand même. Oh, ça peut être un accident, mais bon. Virginie qui est avec nous là du sac. Oh mais c'est Virginie. Oui c'est bien. C'est moi, la oui. Virginie. Hey, c'est la Virginie. L'unique. Et comment va ta copine? Vous pouvez dire mon ennemi. Ah c'est ton ennemi maintenant? Bien sûr. Oh merde. Va te faire enculer maintenant. Elle ouais. Ah non ouais mais c'est clair. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Voilà, on va demander à Valentin évidemment. Bon tu nous appelles pourquoi dis-moi? Bah voilà, depuis il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts là, de la mauvaise eau. Ah bah il a beaucoup plu hein, c'est récemment hein. Mais bien sûr, ouais c'est ça. Bah oui, non bah attends. Mais c'est non, vrai, non mais c'est pas des conneries de. Ferme ta gueule, gros bâtard. Comment? Virginie? Oui, j'écoute. Hein. Alors écoute, tu voulais pas réagir par rapport au mec crade, au vie crade? Non, c'est en ce qui concerne Amandine, l'histoire d'Amandine avec le plan qu'elle a voulu. Ouh là là, faire, oui, mais alors attends une seconde, attends, Virginie, il va falloir remettre l'église au milieu du village, parce que comment te dire que depuis que t'es passé, il y a eu beaucoup de nouveaux auditeurs qui ne sont pas du tout au courant de cette histoire. Hein. Donc on va essayer de résumer le bordel, d'accord? Ah bah c'est que de dire un bordel, c'est pour elle. Ah bah je te confirme. Ça a toujours été, alors. Ah bah non, mais je te confirme. D'ailleurs, à un moment, ça... Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce voilà. Exactement, c'était un petit peu ça. Bon, alors Virginie, reste avec nous. On va d'abord reprendre Yann hein, de Bretagne. Salut Yann, comment ça va le breton? Salut. En pleine forme? Voilà, ça va. Kenavo. Bon, Yann, tu voulais réagir à Julien, toi, qui lui, a eu le coup. Bah, c'est soi-disant un ami à lui qui a eu le coup. Hein, on a bien compris, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, en gros, il est arrivé dans une soirée, et puis là, le drame, une meuf qui l'a chauffé, et puis, en fait, elle avait ses règles. Oui. Voilà. Bah, moi, en fait, ça m'est arrivé. Alors, vas-y, explique, Yann. Ça m'est arrivé, sauf que, en fait, c'était ma copine. Ouais. Mais, en fait, à la base, c'était un coup d'un soir, et c'est devenu ma copine. Ouais. Sauf que je l'ai fait pendant qu'elle avait règles, et je trouve que c'est encore mieux parce qu'elles sont plus excitées. Alors ça y paraît. Non mais ça je suis d'accord, mais alors moi ça m'est arrivé une fois, c'est-à-dire que... Par accident? De quoi? De la faire jouir. Ouais. Non, de la faire jouir aussi, c'était tout était par accident. Ah ouais, là c'était certainement par accident, effectivement. Non, ouais. C'était à l'époque, j'étais étudiant, donc j'habitais dans un truc genre avec juste un lit, une personne. Ouais. Et donc je ramène la meuf, je la baise, et sauf que effectivement, elle en met partout. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est le. Attends, on va nettoyer là. Ah non, mais c'est-à-dire que tu peux. Merci pour ces détails très croustillants. Attends, parce que. C'est... Ah le mec il est... Quel dégueulasse, c'était vraiment un gros porc. C'était horrible, c'est-à-dire qu'il y avait le drap, aussi, le matelas, tout était imbibé de sang. Ah vous croyez, en se réveillant qu'il l'avait tué. Mais pas loin, pas loin. Tu disais Julien? Ouais bah moi aussi, mais il y avait aussi les murs. Ouais. Ah toi c'est les murs? Attends, c'est pas une fontaine, faut pas essayer par un karcher hein. Ah non mais ils ont dit sur les murs. Non mais d'accord, attends, mais genre quand vous avez les règles, vos filles. Ça filles, va là. Pas sur les murs, mais non mais il y a des gouttes, ça peut être un petit peu abondant, mais c'est pas non plus. Mais c'est non pas mais ça va rosage, pas sur quoi. Les murs, ça va pas. Hein. Eh. Ton pote il l'a planté hein, avec un couteau. Il lui a coupé une artère ou c'est comment ça se passe hein. Parce que quand tu lui coupes une l'artère, effectivement, ça fait. Arrêtez les films d'horreur les gars hein. Ah ouais mais parce que sinon avec les règles c'est pas possible hein. Non mais c'est ça qui est ouf, c'est le lendemain. Parce que moi le lendemain il y a ma mère qui venait. Et donc du coup donc déjà j'ai dû. Mais qu'est-ce que je cherchais à mon fils? Du coup j'ai. Oui je me suis blessé. Je me suis blessé. Exactement, c'est-à-dire que d'abord j'ai dû tèche la meuf. Stop. Avant que ma mère n'arrive. Allons. La musique donc, de l'histoire donc, de Toff. Déjà j'ai dû tèche donc la meuf juste avant que ma mère n'arrive. Mais genre à 30 secondes près. Et là forcément qu'est-ce que tu veux faire avec le drap, le matelas, le. Parce que c'est qu'une pièce, donc tu peux pas amener ta mère dans le salon. Ah non, bah non, là, parce que le salon c'est tout en même temps. Hein. Voilà, c'est tout en même temps, donc j'ai retourné le matelas, j'ai essayé de planquer le drap, et je me suis genre, tu sais, fait une espèce de coupure à la jambe. Oh là là, mais il est fou mais celui-là. Mais quel psycho ce mec. Il est taré ce mec. Et j'ai fait genre, ouais, ça a saigné toute la nuit et tout, j'en ai mis partout. Et, mais... T'sais. Quel psycho. Je pense qu'elle m'a cru, mais je suis pas sûr. Bon, maman de Toff, si vous nous écoutez là, n'hésitez pas. Vous pouvez appeler, hein, y a pas de problème. Vous me faites un petit message sur mon téléphone directement, comme ça vous le coupe pas d'argent. On vous rappelle, gratuit. Voilà. Bon, la chauffe pas, c'est bien qu'elle peut appeler. Oui, non, bien sûr. J'adorerais. Qu'elle m'envoie un message sur mon numéro de téléphone avec plaisir. On la rappellera sans problème pour qu'elle puisse démonter son fils à l'antenne, parce que ça se fait pas de mentir à sa mère. C'est vrai. Ça se fait pas. On ne ment pas, Toff. Non. Pauvre alors. On peut tuer une personne, mais on ment pas sa mère. Exactement. À personne d'ailleurs, Toff. Non mais oui, c'est ça. Ouais. Bon, il y a Lou qui dit, moi je fais du 85. Et je complexe à propos de ça. Oh, faut pas, Lou. Comme énorme hein, pour le coup. Laurine qui dit Virginie, oh non pas elle. Coucou au fait, hein, désolé du retard. Ah bah bravo Laurine. Hein. Plus jamais ça, Laurine. Hein. C'est terminé les retards là. Ouais. Hein. C'est terminé là. Ça, c'est pas la première fois. Stéphanie qui dit j'ai envoyé un message. Je suis une fille d'1m59, 53 kg, 85B et très belle. PS, je rigole. Bah écoute, Stéphanie, écoute, moi, je veux bien vérifier. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a Mélo qui dit vive la Bretagne. Moi aussi, je suis bretonne. Là. Bisous à tous. Et Morgan qui dit moi c'est 85B, mon tour de poitrine, c'est la loose. Mais non, t'inquiète. Et à 73VW qui dit ma copine met du 85C à 15 ans. Ah bah ça, toi, tu as du cul, mon pote. Là. Laura qui dit moi c'est 1m66, 51 kg, 85B, taille du dernier. Jean medium, c'est 36. Pas mal, Laura. Non, c'est pas mal, moi j'aime bien. Ma copine fait du 90B également. Et alors, le prince qui dit Mickaël, période des règles, abstinence oblige, ou bien on peut pratiquer le par derrière, à voir. Non, mais après, comme on dit, il y a des filles qui aiment bien pendant les règles, effectivement, elles sont peut-être un peu plus excitées, apparemment. Ouais. On va en parler. Mais les filles, j'aimerais bien entendre de vos réactions par rapport à ça. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Bon, Yann et Julien, vous ne bougez pas, d'accord? D'accord. On va vous reprendre dans un instant, j'aimerais avoir l'avis des demoiselles là, dans quelques minutes. Et puis on va prendre Clément également là, Clément pour remettre un petit coup, le coup, pardon je me suis trompé de musique. Remettre un petit coup de la colle là, Clément là. Oui. Pour gagner la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que mercredi avec Fun Radio. Et qu'on vous offre donc un exclu. Clément. Oui. Tu veux un coup de pelle? Non. Je recommence. Et qu'on vous offre un exclu. Voilà. Tu vois, dès que tu menaces à base de pelle, les gens travaillent mieux. Je pense que je vais devenir directeur d'école. J'arriverai avec ma pelle. Ceux qui travaillent pas, paf, dans la gueule. Exactement, tu vas voir. Que des bons élèves. Tu vas voir. Bon, Clément, vas-y pour la colle. Donc alors, c'est l'histoire de deux voisins. Il neige pendant la nuit. Ouais. Le matin, l'un se rend compte qu'il y a trois fois plus de neige chez l'autre que chez lui. Pourquoi ? Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc c'est l'histoire de deux voisins, il neige pendant la nuit, le matin l'un se rend compte qu'il y a trois fois plus de neige que chez l'autre. Mais pourquoi à votre avis ? Si vous avez la réponse, Mickaël espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez lire la colle, vous pouvez aussi participer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. On donne la réponse dans moins d'une heure et je rappelle que si personne ne trouve la bonne réponse, Clément, tu repars avec la PS3 et le jeu Beyond Two Souls. Et que si quelqu'un a la bonne réponse et qu'il les tire au sort, c'est lui qui gagne et toi tu perds, Clément. D'accord ? On est bien d'accord là-dessus ? D'accord. Allez, c'est parfait. Bon, Clément, ne bouge pas de là. On va revenir avec toi. On va revenir avec vous toutes et vous tous également en direct avec le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis j'ai la bonne nouvelle de Toff. J'ai sa petite histoire avec laquelle il va pouvoir s'amuser toute la soirée. Ah. Puisqu'on va appeler des gens dans quelques minutes. Voilà, allons-y. Donc restez bien sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter. Tiens, Crewella maintenant avec Live for the Night. Crewella d'ailleurs qui sera au Starfloor, Toff. 23 novembre. Oh. Mmh. Ah oui, ça va être. Oui, ça me donnerait. Oh là là là là, on vient de voir la tête de Crewella là sur Google. Ouais. Toff va avoir du mal, hein. Oh là là, il va avoir du mal à pécho surtout, hein. Ah ouais, bah ça. Ah mon Dieu. Ah c'est bon ça. Ah ouais là, il va avoir du mal à pécho. Hein. Je peux te dire que comment t'expliquer cette petite brune Toff là. Il ne faut pas me sous-estimer. Il faut pas vendre la peau des couilles de Toff avant de l'avoir tué. Ouais mais Toff, est-ce que sincèrement, parce que moi je l'ai vu là, on n'est pas du même côté dans le studio. Est-ce que tu as déjà vu la petite? Oui je l'ai vu, je la vois même là. Mais... Ah tu la vois actuellement là. Comment vous dire voilà. Bah, moi je le dis. Oui bah c'est ça. Bah elle sera à Starfloor hein, le 23 novembre. Donc vous aussi, j'espère que vous serez là, évidemment. On sera tous là, évidemment, pour faire la teuf avec vous. Le 23 novembre, ce sera le Starfloor de l'année 2013. On vous attendra nombreux. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler. Et si vous voulez toutes les infos, vous pouvez aller sur le Facebook également. Hein, vous tapez Starfloor, tout simplement. Il y a Anaïs qui dit là, je mets du 90B, 3600 jeans, 1m59 et 48 kilos. Oui, c'est effectivement pas mal. Ouais. Il y avait aussi Maeva qui dit là, moi je bosse sur mes cours là, Mickaël, heureusement que vous êtes là, moi c'est 95B. Il y avait quoi aussi comme message? Moi ma pote elle fait du 100D. Ah oui, c'est quand même gros ça pour le coup. Hein. Wow, Morgane, ça dépend ce que t'en fais. Ouais, c'est vrai. Comme on dit, quand la rivière est rouge, on emprunte le chemin beau. Merci Morgane. Hein. J'adore cette phrase. Et je suis quand même content que ce soit une meuf qui dit ça. Et 73VW qui dit Toff, c'est quand que tu nous fais un collage avec les photos des seins des auditrices? Ah, bah, moi je vais chercher, je m'en occupe. Envoyez-moi ça. Sans et blague. Ben vous envoyez les photos à Polo et je le fais. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Donc polo@funradio.fr. Bien sûr. Et je ferai le collage. Ouais, c'est ça. Et il y a Dylan aussi qui dit un petit message de bienvenue plus violent qu'hier, s'il te plaît, Dylan. Je me souviens plus ce que je t'avais mis, Dylan, dans la tronche hier, mais. Je peux te mettre. Ça, c'est quand même bien violent. Hein. T'encule, toi, ta mère, ta grand-mère. C'est bon. Au-delà de ça, c'est compliqué à balancer quand même. Bon, le chéri, je peux te faire cocu, il va arriver aussi dans quelques minutes. On vous attend. Si vous voulez participer, appelez-nous. Et il y a aussi, dans un instant, le son de Fédé Legrand sur Fun Radio. T'aimes bien ça, Morgane? Morgane? Ah, oui, tu es là, pardon, Morgane. Excusez-moi. Est-ce que tu aimes bien le son de Fédé Legrand, la reprise de Prodigy, là? Ah ouais, franchement, c'est super. Très bien, très bien. Morgane, 21 ans, toi, t'es célibataire ou pas? Non, je suis en couple. Comment ça se fait? Oh bah non. Depuis combien de temps? Ah, ça va faire un an et demi déjà. Ah oui, quand oh même. Oh là là, je suis déçu, mais c'est pas grave. Combien mesures-tu? Je mesure 1m63. Combien pèses-tu? Pardon? Combien pèses-tu? 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Un 95D. Ah oui, D pas mal. Ou du con ou des gros seins. Tu nous as fait l'accent chinois. Voilà, t'es pas mal. Dromadaire pour les demi-bars. C'est clair. Et la tête de l'importante que tu as acheté? 1,42. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. La chance, son mec. Ouais, non, ça serait peut-être plus simple. C'est vrai que je me nique la gorge. Bon, alors du coup, Morgane, toi tu voulais réagir par rapport à Julien qu'on avait et par rapport à Yann également là. Vous êtes toujours là tous les deux là, Julien et Yann? Ouais. Bon, bah, Julien qui nous avait appelé, puis Yann aussi au final, parce qu'ils ont vécu pareil. Ils sont tombés sur une meuf, et puis bah, c'était effectivement la rivière rouge. Et donc forcément, ça les a. On dirait un western, ouais, la rivière rouge. C'est bon. Sûr, ça peut rebuter. Hein. Avec le sang sur les murs, ça peut être un western, effectivement. Ah, avec le sang sur. Oui, alors parce qu'il y en a quand même un qui a essayé de nous faire croire qu'il y avait une meuf, elle a mis du sang sur les murs partout. Non, mais Yann, elle s'est frottée contre les murs. Non, elle s'est pas frottée, à mon avis, il lui a coupé la gorge, ça a pissé le sang partout. Oui. Vraiment, c'était un film d'horreur. Non mais, oui. Non mais c'est ça, c'était une horreur. Bon alors du coup Morgane, c'est quoi toi l'histoire? Tu voulais réagir à quoi au juste? Bon en fait je vais réagir par rapport à ça. C'est qu'en fait c'est vrai que si le mec il est au courant et que ben ça le dérange pas, on peut le faire. Parce que moi très franchement je l'ai déjà fait avec mon copain, lui ça le rebute pas. Et quand on le fait, ça coule pas tant que ça en fait, c'est normal quoi. Oui c'est ça, mais voilà, ça coule un peu, mais c'est pas non plus, faut pas exagérer quoi. C'est les points. Oui, non, faut pas exagérer non plus. C'est quoi, voilà. C'est l'équivalent d'un shot de whisky quoi, de vodka. Mais qu'est-ce que c'est que cette comparaison? Non, parce que c'est vrai que c'est nul. Hein. Bah quoi? Mais oui. Bah, il nous les vampires, nous vivons la nuit. Mais oui, c'est un shot de sang quoi. Non. Aïe. Non, pas à ce point quand même, faut pas abuser. D'accord. Bon bah très bien. Et alors du coup Morgane, mais toi t'aimes bien quand t'as des règles ou pas de faire l'amour? Ben c'est vrai que à cette période-là, les filles ont vraiment tendance à être plus excitées. Il paraît, hein, c'est vrai, c'est ouais. En plus. Ouais, ouais. En fait, c'est à cause de, c'est un problème d'hormones, ça. Du coup, c'est vrai qu'on a plus envie à cette période-là. Ah ouais. Ah ouais, tu ouais. crois que c'est parce que c'est les hormones en fait? Ouais, c'est les hormones qui travaillent en fait. Ah moi, je pensais. Je pensais que c'est parce que justement, bah comme tu peux pas entre guillemets. Ah eh ben, non, c'est trop cherché loin hasard, ça. T'as envie, quoi. Non non, là c'est non. Ouais c'est une question d'hormones. Attends, il y a aussi ouais, moi, Solène. Moi j'avais vraiment entendu ça. Attends, il y a Solène qui est avec nous de Toul. Salut Solène. Oui allô, bonsoir. Oh, et comment ça va Solène? Salut. Bah ça va très bien et vous? Bah nous on va bien aussi Solène, plutôt tranquillement. T'as 21 ans toi, donc t'appelles de Meurthe-et-Moselle le 54. Oui c'est ça. Une très belle ville Toul. Tout à fait, effectivement. Ouais. Petite ville fortifiée comme la France en a beaucoup. Merci Toff. Je sais pas, ça fait pas longtemps que j'habite sur Toul. Ouais mais enfin tu connais la ville quand même. Oui ça va. D'accord, bon très bien, mais tu connais personne à Toul? Bah si, je vais avec mon copain, ma belle-sœur et mon beau-frère. Moi qui voulais te faire visiter Toul. Ah ouais, c'est ça, une très grande ville, enfin bref. Ah bon. C'est gigantesque Toul, oui. Je pense qu'à pied ça doit prendre 10 minutes. Grosso modo. Oh, quand même pas, non. Grosso modo, et encore tu fais deux fois le tour ça. Ah bah, et encore, et en marche arrière. Ouais, exactement. Bon, Solène, alors toi tu voulais réagir aussi par rapport à Yann et Julien, toi, par rapport aux règles, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bon tout bah alors fait. Tu vas pas bouger, on va faire ça dans quelques minutes Solène, d'accord? Okay, d'accord. Bon, okay, Morgane, encore un truc à ajouter? Non, c'est bon, ça ira. D'accord, eh ben, je te fais des gros bisous Morgane. Allez. Merci de passer sur Fun Radio. A bientôt. Y'a pas de soucis, à bientôt. Ciao. Salut à toi Morgane. Yann, t'as encore un truc à ajouter toi? Non. Mais est-ce que je peux passer une dédicace? Vas-y Yann. Je passe une dédicace à ma petite team des Côtes d'Armor. Très bien. Ils vont se reconnaître et puis je leur fais des gros bisous. Eh ben message passé Yann. Passe une excellente soirée à l'écoute de Fun et à bientôt le Breton. Merci, à bientôt. Salut Yann. On aura. Bon, on va prendre Clément aussi, tiens, maintenant, tiens. Alors Clément pour la colle. Allô Clément, t'es là? Oui, toujours là. Parfait. Bon alors Clément, fais péter la colle, vite. Alors l'histoire de deux voisins, il neige pendant la nuit. Le matin, l'un se rend compte qu'il y a trois fois plus de neige chez l'autre que chez lui. Pourquoi? Très bien, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a Jack qui dit il a envoyé chez le voisin de la neige. Non. Non, l'autre lui en a volé. Non plus. Non, car celui qui a moins de neige a tout poussé chez l'autre. Non. Le voisin a pissé devant chez l'autre. Ah oui, du coup ça a fondu. Il neige non. Que sur les cons. Un frigo. Quel rapport, un frigo. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a... Bah c'est tout. Bon, si vous avez d'autres propositions... Ah, j'ai la réponse de la colle, c'est Kevin. Oui, merci Kevin, mais il faut les mettre aussi maintenant, hein, sinon on n'est pas plus avancé. Bon, si vous avez la bonne réponse, donc à vous de jouer maintenant. Vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 par SMS pour la Belgique. Et il faut répondre à la colle de Clément. C'est donc l'histoire de deux voisins. Il neige pendant la nuit et le matin, bah, il y en a un qui se rend compte qu'il y a trois fois plus de neige chez son voisin. Mais pourquoi y a-t-il trois fois plus de neige? Si vous avez la bonne bizarre. Réponse. Mais oui, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et rencard également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Plus de 200 000 depuis hier. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir fait passer le message auprès de vos potes. Et on vous offre votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que mercredi et qu'on vous offre donc en... Exclu. Évidemment. Allez, restez sur Fun Radio également car dans un instant, je vous calme Tonnet. Pas du tout, Fédé Legrand avec No Good. C'est ce qui arrive sur Fun. J'enlève mes moufles et on revient. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No limits. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No limits. Fun Radio. Mickaël No Limits. And Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio dans toute la France, comme chaque soir, ça se passe sur Fun, 23h, 2h du mat, vous nous appelez où que vous soyez, justement, hein, 01 42 48 5000, et si vous nous écoutez des îles, Dom-Tom, tout le bordel, faites le 00 33 42 48 5000. Il y a Laurine aussi qui dit, je confirme quand j'y viendrai que j'ai plus envie de pécho que quand je les ai pas, mais je suis célibataire. Eh ben, Laurine, n'hésite pas à me donner les dates et puis on s'arrange. Bien sûr, j'imagine. Bon, ben, continuez en tout cas les autres, venez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus sur Fun Radio. Mickaël No Limits tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h du mat, et puis bah, le dimanche soir aussi 20h minuit sur Fun Radio. Retour avec Julien dans quelques minutes. Il y aura également Solène, ça c'est par rapport au fait que Julien est tombé sur une meuf qui avait serré, et ça l'a un peu perturbé forcément. Et puis on va aussi récupérer la Clément avec la colle dans quelques minutes sur Fun Radio. On va également bien sûr vous offrir votre PlayStation 3 sur Fun Radio, la PlayStation 3 avec le jeu Beyond Two Souls. Si vous voulez voir la colle, elle est dispo sur le Facebook, venez nous rejoindre facebook.com/ Mickaël officiel, pareil sur le Twitter. Si vous me faites un follow, eh bien je vous followerai également. Vous tapez Mickaël officiel sur le Twitter, on vous attend évidemment. Et puis on écoute maintenant la reprise de Prodigy par Fédé Legrand. C'est un son découvert dans Party Fun, ça tous les week-ends. C'est No Good. C'est Fun Radio avec Fédé Legrand à l'instant sur Fun, c'était No Good. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël No Limits, No Limits. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et je viens de vous mettre une photo sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mickaël officiel. Oui. Bravo à CNN hein, qui encore. C'est le mec qui a du mal à. Qui a été très mauvais en géographie. Qui avait mis Paris au niveau de Marseille, je crois, à un moment, qui avait mis que de la merde. Et ben là, il a déménagé Hong Kong. Voilà, Hong Kong se trouve dans un autre endroit de la planète. Donc, Hong Kong se faisait chier là où elle était. Donc, du coup, il s'est dit, bah, je vais prendre mes valises, je vais faire un tour, je pars en vacances. Ouais. Voilà, je pars en vacances. Donc, allez voir, parce que pour le mec de CNN qui fait les cartes avec, tu sais, quand il se passe un truc genre à Hong Kong, bah, justement, ils mettent la carte de la Terre avec Hong Kong, quoi, avec la ville, ou avec Paris, ou avec New York, enfin, peu importe. Ouais. Et là, il a mis Hong Kong, mais comment te dire, c'est improbable. Donc, allez voir, voilà, elle en avait marre Hong Kong, elle s'est barrée. facebook.com/mickaël officiel, allez-y. Puis il y a Mickaël qui a envoyé un message aussi, Tof, ça va peut-être pouvoir t'intéresser. Ah. Alors, Tof, si je te dis 1m80, oui, 77 kilos, oui, voilà, 19 de long, 5-8 de large, oui, voilà, c'est ça. Et puis, et puis voilà quoi, est-ce que t'es. Lui est enchanté de te connaître. Ben, moins pas. Ah bah c'est étonnant, c'est bizarre. C'est quoi ce délire hein? Bah rien, c'est mensuration d'un mec tout simplement. Bah oui, voilà, c'est ça. Bon, et puis un message aussi, c'est 3W qui dit t'as pas un lance-flamme à offrir plutôt qu'une PS3 pour une fois. Ah non, j'en ai qu'un seul de lance-flamme et je peux vous dire je ne le vends pas, je suis désolé. Cher. Et Dylan qui dit Mickaël, un petit message de bienvenue plus violent qui. Ah mais je l'ai déjà mis celui-là, Dylan, là, tu n'essayes pas d'en demander un deuxième. Hein. Et puis un message aussi de Fanny qui dit salut les gars, moi c'est 90 B, bah continuez à nous donner vos mensurations. Mademoiselle, c'est pour faire plaisir à Tof parce que bah, il veut faire un petit inventaire des auditrices de Fun. Et comme on s'est rendu compte depuis qu'on est sur Fun, depuis le 22 juillet, que les plus belles filles écoutent Fun. Ouais. Donc les filles qui écoutent la radio, les plus belles sont sur Fun. Oui. En tout ça, cas, les mieux gaulées. Évident. Non, mais les mieux gaulées sont sur Fun, exactement. Donc on fait un petit inventaire avec, avec Tof, en fait, tout simplement. Donc si vous voulez participer, vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Ou alors vous nous envoyez ça par SMS. Hein, vous envoyez Mickaël au 64 900 ou Mickaël au 3044 depuis la Belgique en toute simplicité. Bon, Tof, je t'avais parlé tout à l'heure de petits appels que tu allais pouvoir faire pour faire chier le monde comme d'habitude. Qu'est-ce que je peux, qui je peux appeler? Eh ben justement, c'est un restaurateur chinois qui mange du pénis, qui apparemment ça permettrait d'avoir une vie épanouie, d'une vie sexuelle épanouie. Qu'est-ce que t'en penses, Solène, toi? Bah écoute, j'en sais rien, je pense pas. Et donc en fait il a fait un bouillon à base de. Alors attention, pénis de cheval, pénis d'âne, pénis de bouc, pénis de chien, pénis de taureau et pénis de cerf. Ah, le putain, tout pour seulement 200 dollars. Oh bah ça va, ça fait c'est pas donné. Cher la soupe. Donc est-ce que tu mangerais ça toi Solène? Si ça te permettait non, d'être, d'être meilleur sexuellement? Non. Non? Putain c'est con. Hein. T'es sûr? Oui oui, je suis satisfaite avec, avec mon copain. Ouais, y a mais est-ce pas que ton problème. Copain est satisfaite avec toi? C'est la question. Oui. Ah ouais, mais ça tu sais pas, ça c'est ta version contre la sienne. Et s'il devenait plus performant encore? Ah ouais, ce serait peut-être encore mieux, Solène. Ça me suffit. Ah d'accord, ok, c'est dommage, faut toujours essayer d'avoir mieux. Bon, et bah du coup Tof, on va essayer d'appeler des numéros là. Mais allons-y, bah, moi voilà, je suis rappelle chaud. Que si vous avez des numéros de gens un petit peu nerveux qui sont encore debout à cette heure-ci ou qui pourraient l'être en tout cas jusqu'à 2h du mat à la fin de l'émission, n'hésitez pas bien entendu à proposer tous ces numéros de téléphone, bien sûr en envoyant un mail à Sandro sandro@funradio.fr. Vous mettez les numéros de téléphone des gens qu'on peut appeler ce soir. Voilà, je compte sur vous. Bon, on fait un petit appel là pour vérifier. Oui, allez, on y va. À ton avis, tu joues que les gens seront intéressés, Solène ou pas, du bouillon de pénis? Non, je pense pas. Je pense que ça va raccrocher. Ah, ça écoute, va s'énerver. Bon, écoute, on va voir. On va appeler le premier déjà. On va voir comment ça se passe. Et puis on en fera d'autres tout à l'heure. Balancez vos numéros donc hein, sur Sandro. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais vous inviter à goûter mon délicieux bouillon de pénis. C'est marrant. Ah mais non, je suis pas marrant madame, c'est un bouillon à base de phallus d'âne, de bouc, de chien, de taureau et de cerf. Hein. C'est pour augmenter la radio quoi, ou c'est un débile qui est débile. Mais pas du tout madame, enfin c'est pour vous aider dans votre couple, c'est pour que votre mari ait plus de plaisir. Non mais c'est bon, j'ai tout le plaisir qu'il me faut là. Ah oui mais non mais je pense que là vous pourriez en avoir plus encore. Non mais il va être beaucoup dommage, plus épanoui. La blague elle va pas être marrante parce que ça me fait rire, je veux pas m'énerver donc mais ça marche pas votre truc là. C'est pas marrant madame, c'est sérieux. Ah si c'est marrant. Mais un non. Bouillon de pénis. Et vous voulez goûter à mon bouillon de j'ai un taré en bouillon de pénis. Je crois que oui mais je suis pas un malade. Mais non, je suis pas malade madame, enfin. Ah si vous êtes un malade. Mais non, moi je vous appelle pour vous faire goûter ce délicieux bouillon. Bah allez, venez me le faire goûter. À base de bites. Écoutez, je viens chez vous, alors j'arrive. Bah ouais, j'habite où? Bah vous habitez chez vous. Bah ouais, c'est moi. Bah voilà, vous voyez que je sais où c'est. Ouais, bah je vous attends. Ça se mange chaud, froid? Bah ça se mange chaud, hein, donc si vous avez un micro-ondes, on pourra le réchauffer. Ok, bah j'ai un micro-ondes, c'est bon. Eh bah parfait, et bah j'arrive alors, hein. Bah à tout de suite. À tout de suite. Ouais. Complètement taré. Bah oui, complètement taré. Complètement taré. Bah oui. Ah t'as vu, ça a pas raccroché Soleil, ça n'a pas insulté. T'as vu, t'avais tout faux. C'est vrai. Elle l'a invité. Ah mais c'était une jeune aussi. Ouais, t'as même été invité Tof. Ouais, enfin je reste complètement taré quand même. Oui, mais enfin, ça en même temps c'est vrai, tout le monde le sait, donc c'est pas non plus une exclusivité quoi. Bon bah du coup si vous avez des numéros, allez-y, sandro@funradio.fr, des numéros de gens qu'on pourrait appeler, mais qui sont encore debout à cette heure-ci, hein, quand on passe sur des répondeurs et des conneries. Donc des gens vraiment debout et qui sont un peu chauds quoi. Voilà. Et histoire de varier un peu par rapport au Corse, par rapport au Carolo, etc. Donc si vous avez des gens à proposer, n'hésitez pas évidemment. Bon alors Solène, donc on va parler avec toi là, avec Julien. Donc toi tu voulais parler des règles puisque Julien nous avait appelé pour taper un coup de gueule contre les meufs qui ont leurs règles et qui préviennent pas. Ouais c'est ça. Voilà, alors toi comment ça se passe Solène, explique-nous. Bah moi je suis un peu récalcitrante, mais bon après quand on fait chauffer, quand mon copain me chauffe, après voilà... Ouais, toi, on a bien compris que t'étais amoureuse de ton mec, hein. Le nombre de fois où t'as dit ah mais je suis contente avec mon mec, ah je suis heureuse avec mon mec, ah c'est génial avec mon mec, ah, ça mais mon mec, tout ce bonheur, ah, mon mec il me chauffe bien, mon mec il est bien, mon mec il est ci, mon mec il est ça, bah, tu sais ce que je dis moi? Est-ce que tu sais ce que je dis? Non vas-y. Contre tout cet amour dégueulasse là. C'est relou. Non. C'est trop d'amour. C'est parce que t'es jaloux oui. Mais pas du tout figure-toi. Pas du. Bah d'ailleurs ouais. Justement, attends, je te passe Tof pour vérifier si je pourrais être jaloux. Alors Solène, combien mesures-tu? 1m70. Oh tu es grande, combien pèses-tu? Oh, 65 kilos. Oui. Tu ne pèses pas beaucoup. Alors quel est ton tour de poitrine? Et comment 95B. Ah oui, c'est pas mal. Non, 95B non, c'est bah, bon, c'est moyen. Bah, et c'est la taille dans les pantalons que tu as acheté? 40. Oui, ça va, c'est honnête. C'est honnête. Ouais, c'est ça. Ouais. Blonde aux yeux bleus aussi, on peut rajouter. Ah, c'est très honnête. Bah, alors, c'est plus qu'honnête, oui, effectivement. Bon, du coup, ok, peut-être un peu de jalousie, mais ça m'empêche pas quand même de. Voilà, un petit coup quand même. Voilà, je suis désolé. Attends, Tof veut lever la jambe. C'est pas grave. Voilà, je pète voilà. Sur ton bonheur. Allez, oh, dégueulasse. Les aigris de l'équipe. Les... Quoi? Et je vois pas ce quoi tu parles. Bon alors du coup tu voulais dire quoi toi? Donc ton mec il te chauffe bien, tout ça c'est génial. Et puis après? Bah après je prends mon pied tout simplement. Genre? Ah tu nous appelles que pour ça toi? Que pour ça? Ah moi ça me gêne pas. Non mais j'imagine. Vous faites ça où? Dans ton cul toi? Bah dans l'appart Par exemple moi quand généralement je fais ça sous la douche avec une meuf qui a ses règles tu vois. Ouais, bah, je fais pas ça dans le canapé ou sur la table du salon. Bon, tu peux mettre une petite serviette en dessous là pour voilà, une éponge. C'est ouais, une éponge, ouais. Parce que si on suit ce qu'avait dit non pas Julien mais Yann, on peut en mettre partout sur les murs. Donc méfiez-vous quand même. Hein. Mais si, il y a quand même un moment où c'est plus abondant que les autres jours. Il y a abondant Toff. Sur les murs. Non mais attends, et quand tu saignes d'huile, ça peut être léger ou ça peut être abondant, mais à aucun moment tu bouches une narine et. Tu sais, c'est le. Ouais, attention les mecs, attention là, j'arrose. Faites attention. Le lance-flamme, il sert à tout, hein. Il sert au extincteur, il sert au truc. Ouais, mais comme pierre ça. Cher et tout. Comme ça se mélange, si la fille est un peu fontaine après. Non, mais arrête, dans tes rêves. Arrête un peu ton cinéma, n'importe quoi. Bon, et donc du coup, Solène, donc toi, tu t'as jamais eu de problème, t'as jamais repeint les murs? Non, jamais. Bon, bah très bien, bah mais tu vois. Tu préviens ton mec quand même. Oh bah il le sait, pas besoin de le prévenir. Non, parce qu'il est tellement génial que de toute façon il connaît les jours de mes règles. Oui c'est ça. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Il connaît. Ah, ouais. Voilà. Il connaît le jour de tes règles, Solène, ouais. C'est ça ouais. Il connaît la semaine, ouais. Trop ouais. Parfait pour être honnête. Ouais, c'est ouais. Ça, il doit y avoir un truc bizarre là-dessus. Ouais, ouais. L'application e-règle qui lui dit quand ça va. Mais il est où, la Solène, là, actuellement, là? Avec sa maîtresse. Mon chéri ouais. Il est à l'appart, moi, je suis au boulot. Ah ouais, je travaille la nuit. Ah ouais, pose-toi okay. Des questions. Ouais, il doit y avoir un polichinelle là-dessous. Hein. Ouais. Non, non, du tout. Ouais. C'est pas sûr encore. Elle hein. Va raccrocher, elle va l'appeler direct. Allô chérie, tu fais quoi? C'est clair. Bah merci d'avoir appelé Solène en tout cas. Je te fais des gros bisous. Je t'aurais bien offert un sextoy, mais ça sert à rien puisque t'es tellement heureuse avec ton mec. Merci. Bah continuez comme ça, je vous écoute toute la nuit où je travaille. Hein. Ah bah c'est gentil. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles dans quoi, Solène? Ouais. Je suis agent de sécurité, donc je travaille toutes les nuits en 12 heures. Ah ouais, d'accord, ok. Putain, ça lui donne une ouverture à ton mec d'avoir des maîtresses et tout, la classe. Hein. Mais c'est ça. Les pires rageux, putain. Non mais attends, il fait des pures soirées quand t'es pas là. Grave. La dernière fois, il nous a invités, on n'a pas pu venir. Ah ouais, c'était du lourd. Et tu commences à quelle heure ton taf? 19h et je finis à 7h. Oh putain, la fête totale, quoi. Et on devrait l'appeler là tout de suite pour vérifier. Ah ouais, je suis sûr qu'il est avec des meufs, ça va être la soirée. Non, t'as vu, elle veut pas. Elle a peur. Non. Va épier son Facebook. Devant quoi il est? Ouais, bah oui, il est dans une meuf là actuellement là. Je peux te le dire moi aussi dans quoi il est là. De quoi? Ah, GTA. Il est GTA. Ah, il est devant. Ouais, c'est ce qu'il dit, ouais. Ouais, il fallait pas dire. Elles peuvent pas tester. Ah, d'accord. Bon bah salut Solène. Salut. Et merci à toi d'être passé, gros bisous. Et Julien, tu reviens quand tu veux, hein. Julien, je dis tu reviens quand tu veux, Julien. Ouais, ça marche, je peux balancer le dédicace là. Oui, allez, vas-y, à une seule personne. Attends, à tous les gens mous de France. Vas-y, Julien. Je balance une dédicace à ma chérie Yuna qui m'écoute. Très et bien. Un big up à B2B. Et bah, très bien. Qu'est-ce que t'as pas compris dans une dédicace, Julien? Je sais pas. Ah, bah voilà, c'est une personne, c'est la règle. Oh là, je me suis encore fait enfler. Ça mérite du lance-flamme tout ça. Je me suis encore fait enfler. Attends. Voilà. Bon, salut Julien. Je peux gratter le pack flamme ou pas? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah bah non. Non, tu as essayé de nous gruger. Pas de pack. Tu nous enfumes avec les dédicaces, Julien. Ah, c'est salaud ça. Ah ouais, mais t'as vu? T'as qu'à dire, Mickaël, t'as l'enculé. Bah Mickaël, t'as l'enculé. Tu vois, si t'avais dit Toff, t'as l'enculé, je t'aurais filé le pack fun. Toff aussi, t'as l'enculé. Voilà, bah je te file, Julien. Bah tu repasses chez Sandro, alors on va prendre toutes tes coordonnées. Salut Julien, ciao à toi. Redis-le encore un coup, crie le fort là. De quoi? Bah oh, Toff, putain, oh, qu'est-ce qu'il est mou, Toff. Ah Toff, c'est un enculé. Plus ah, fort. Voilà. Encore. Toff, c'est un enculé. Vas-y, oui. Vas-y. Toff, c'est un enculé. Oh, oui. Encore. Toff, c'est un enculé. Oh, allez. Ouais, c'est bon, je pense qu'il a pris ça. Il va encore nous avoir un organe, ouais. Ce connard. On a soigné sa mollesse. Ouais, c'est ça. Bon, salut Julien, et tu retournes chez Sandro. Salut à toi, à bientôt. Retour avec Virginie dans quelques minutes, et puis on va se faire un petit coup de colle maintenant avec Clément. T'es là, Clément? Oui. Bon, on aura aussi dans quelques minutes les teubés de la télé, puis le chéri, je peux te faire cocu. Alors, vas-y pour la colle, Clément. Alors, c'est l'histoire de deux voisins. Ils neigent pendant la nuit. Le matin, l'un se rend compte qu'il y a trois fois plus de neige chez l'autre. Pourquoi? Il y en a, il propose, on porte des lunettes. Enfin, il ou porte des lunettes. Non. Non, il y a des enfants qui ont fait une bataille de boules de neige. Non plus. Parce que sa maison est en altitude par rapport à celle du voisin. Oh, vous cherchez loin, là. Oh là là, ouais. Il y a Jack qui dit il a mis un parasol pour éviter la neige. Non. Non, le voisin a mis un radiateur trop fort. Ouais, c'est genre dans le jardin. Non plus. Mec, il a un chauffage au sol dans le jardin. Ça, ouais. Ça c'est la classe. Le voisin a mis. Ah oui, ça j'ai dit. Parce que le sol est penché. Non. Non, la maison du voisin a brûlé de la nuit. C'est Nico. Non. À cause du vent. Ah, ça peut être une idée ça. Oui, mais c'est pas ça. Non, bon bah tant pis. Est-ce que bon. Le bonhomme de neige n'a pas fait à tout manger? Un bonhomme de neige. Non. Non plus. Non. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres M-I-K-L, espace la réponse. À la question suivante, donc c'est l'histoire de deux voisins, il neige pendant la nuit tout simplement, et puis bah, le matin en fait il y a un des deux voisins qui se rend compte que chez l'autre il y a plus de neige que chez lui. Pourquoi? Bah pourquoi? Bah voilà, si vous avez la bonne réponse, M-I-K-L, les 4 lettres, espace la réponse, vous envoyez ça au 64-900 ou au 63-22 par SMS pour la Belgique, et vous pouvez aussi répondre évidemment, et puis surtout lire la colle parce qu'elle est un peu longue, sur bah, tout simplement le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Surtout, n'hésitez pas. C'est quoi cette bombasse que tu as envoyé là? Je sais pas, c'est, j'ai un mail que j'ai lancé au revoir. Ah là, bah tu reçois un mail. Oui, j'ai reçu un mail. Attends, quoi le ressemble, t'es ouf ou quoi? Mais c'est pas que j'ai de l'air jusque là, hein, je peux te montrer. Ah ouais, non, elle est bien. Elle est bien, elle est bien, franchement. Comment elle est bien. Comment elle s'appelle la petite? Attends. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Alexia. Alexia. Et Alexia. Son numéro, tu veux qu'on l'appelle? Attends, vas-y quoi. Vas-y, appelle-la. Ah non, ça marche. Ok, je croyais qu'elle était en kiff sur Tof. Non, non, non. Tof, il te dit. Tof, il a dit, tu veux qu'on l'appelle? Il avait déjà rentré le numéro de ça. Bon, on l'appelle pas alors? Non, bah si, vas-y, on va faire l'appelle. Un propriétaire pour faire profiter aux autres. Normal, ouais. Normal, attends, on l'appelle. Ah, ça ne marche pas. Ah bah non, ça, soit c'est un mauvais. Mais non, mais t'es sûr que c'est son numéro parce qu'elle avait envoyé un mail pour envoyer pour appeler des gens. Alors, pour le deuxième numéro, parler de son code. Non, si, c'est pour l'appeler. Mais non, mais c'est pour l'appeler elle ou c'est pour appeler des gens pour les faire chier? Ah non, pardon, autant pour moi, c'est des gens à faire chier. Oups. Bon, bah, Alexia, donne ton numéro. Tof, il veut t'appeler. Donc, mais on va l'appeler dans un instant. Et puis, Polo aussi, d'ailleurs, exactement. Ah ouais. Ouais. Bon, il y a Les Bulfux qui dit Tof, t'es un enculé vu que ça te fait jouir. Ouais, exactement. Il y a Léa qui dit je pète sur ton bonheur, mort de rire. Asia qui dit péter de rire, c'est les ouf. C'est Erika pour le sondage, 1m63, 40. Ouh, attends une seconde, parce qu'il faut que je prépare ma musique. Là, je ne l'avais pas mise, là, je ne m'y attendais pas. Je recommence. C'est Alexia qui envoie un message. Donc, non, c'est Erika qui dit pour le sondage 1m63, 48 kg, 95D, taille du dernier jean acheté, 36. Là, comment te dire que oui, effectivement, oui. Tu fatigues, Paul. Voilà. Bien vieux, oui, hein. Effectivement, Erika. Il y a Jen aussi qui dit pour rentrer dans le carnet de Tof, 1m72, 30 kg, dernier pantalon 40 et 85B. Ah bah, toi aussi, j'aurais pu te remettre la musique. Tiens, un petit coup quand même. Allez, hop, là, c'est pour le sport. Allez, restez sur Fun Radio, on revient avec vous toutes et vous tous en direct sur Fun Radio avec les teubés de la télé qui vont débarquer dans quelques minutes. Et puis on parlera de l'île des vérités, notamment là, juste après le son de Snow White qu'on écoute maintenant, Muttonheads et Snow White sur Fun Radio. Et ben, vous nous appelez évidemment, hein, si vous êtes d'humeur à venir délirer avec nous. On est là jusqu'à 2h, prenez le contrôle. Ça se passe au 01 42 48 5000, au 02 851 4x0 et également par SMS. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64-900. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec tous vos messages. Il y a Pitbull qui va débarquer, c'est le nouveau son là. Pitbull avec Kesha qu'on vous passera dans un instant sur Fun Radio sera Timber. Et puis je vous cale aussi Selena Gomez. Et si vous voulez écouter des sons, allez-y, hein, hashtag et Mickaël, tout simplement par le Twitter de l'émission, n'hésitez pas à vous demander, puis on vous les passera tout à l'heure bah, sans problème, on le fait quasiment tout le temps. Il y a quelqu'un qui nous a demandé aussi de passer Boss. Et bah je le mettrai aussi tout à l'heure celui-là avant de partir. Voilà, je vous le mettrai avec grand plaisir. C'est un son que je vous avais fait découvrir il y a deux semaines sur Fun Radio. Bose avec Bose. Plein de messages qui sont arrivés aussi. Un petit coucou de la Suisse. C'est Billy qui a envoyé un message sur le Twitter. Eh ben, salut aux Suisses qui nous écoutent également. Jason qui veut avoir un petit message de bienvenue également. Bah, bien sûr, Jason, avec un grand plaisir. Ferme ta gueule, gros bâtard. Voilà, bienvenue à toi, Jason. Et puis, il y a Lilou qui dit petit sondage également pour moi. Enfin, pour répondre plutôt au sondage, il y a Lilou, donc 1m69, 56 kg, 95. C'est à dire les pantalons achetés le 42. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout d'ailleurs, ça mérite. C'est même très bien. Bah d'ailleurs Tof arrive de suite. Mais oui. En mettant bien sûr à fond de balle la chanson bien entendu. Qu'est-ce qu'elle est bonne. prend Ludovic dans quelques minutes là. Il est avec nous, Ludovic de Saint-Nazaire. Comment vas-tu? Ça va, merci, vous? Ça va bien? Salut. Ouais, ça ouais, va, nous on va plutôt bien là, plutôt tranquille, plutôt tranquille. Bon, on va rappeler des mecs aussi pour leur enfourguer des soupes de pénis aussi hein, du... Mais oui. Voilà, dans un instant. Ça t'intéresse ou pas Ludovic? Bah oui, un peu oui. Un peu, toi t'es intéressé. Bah écoute, apparemment donc c'est un restaurateur chinois qui a mangé du pénis qui permettrait donc d'avoir une vie sexuelle épanouie et donc bah il propose un bouillon à base de pénis de cheval, d'âne, de bouc, de chien, de taureau et de cerf. Le tout pour seulement $200, hein, une promotion à ne pas rater. Oui, bah c'est tellement pas cher, bien. Tellement accessible. Donc toi tu mangerais ça toi alors Ludovic, si jamais ça te permettait si ça te permet d'être meilleur au lit, d'avoir une vie sexuelle de psychopathe. Non, sans façon, non. Ah, tu préfères être mauvais au lit? Question, c'est la partenaire qui voit ça, hein. Oui, non, mais voilà, mais imagine, tu tombes sur une meuf qui dit, ouais, non, en fait, t'es pas terrible. Tu vas quand même manger la potion ou pas? Bah, non, du tout, non. Ah, même pas, tu préfères être mauvais. D'accord, ok, très bien, bon. Est-ce que tu regardes souvent la télé? Ça m'arrive, oui. Ça t'arrive? L'île des vérités, t'as regardé déjà ou pas encore? Non, pas encore, non. Non, écoute, ça tombe bien parce qu'on fait le best-of là. Maintenant, là, l'île des vérités, c'est Beverly qui nous a encore montré toute sa bêtise. Ok, donc je peux pas mettre ça. Il vaut mieux que tu gardes ça. Ok. C'est hors de question que je mette ces bottines juste. Donc, je garde mes fameuses compensées. Moi, perso, ben, je veux dire, soit t'as le style, soit tu l'as pas. Moi, je garde les compensées jusqu'à la plongée sous-marine. Normal. Les compensées. Plongée sous-marine. Tu prends des compensées, hein, des chaussures compensées, évidemment. Pourquoi c'est normal. Mettre des palmes, ça sert à rien. Mais voilà, ça n'a aucun intérêt. Et puis, dans Confessions Intimes, une de mes émissions préférées, on a eu. Tu connais bien, toi, Virginie, Confessions Intimes, non? Ouais, c'est complètement nul. Comment ça c'est complètement nul? Tu connais bien ou pas du coup, ou tu connais pas? Oui ou non? Non, ça m'intéresse pas ce genre d'émission. Ah ouais. On t'a déjà fait une interview ou pas? Tu connais des gens qui ont été interviewés dans Confessions Intimes? Non, moi je regarde pas ça. Donc. Non. Ah, et toi non plus Virginie? Ah bah d'accord, bon bah personne alors tant pis hein. Mais si vous voulez je peux vous regarder hein. Bah ouais c'est clair hein, vous inquiétez pas, on peut vous regarder. Bon bref, sinon dans Confessions Intimes on a eu droit à un beau teubé qui croit qu'il devra un jour aller chercher un Oscar. Je vais embrasser Sharon Stone, elle va me remettre mon Oscar et là je vais me retourner face au public. Excusez-moi, je voudrais dédicacer spécialement cette récompense à une femme. Tais-toi. À une femme qui a toujours été là pour moi et à ma mère. Et putain. Et qui a fait que je sois là aujourd'hui. Putain, arrête, sérieux. Sois sérieux 2 minutes. Ah oui, sois sérieux 2 minutes, mec, il est complètement barré. Et comme il est persuadé qu'il va un jour être une star, en fait, il demande à sa mère de se préparer. Quand je vais être une star, faut pas croire, hein. Les journalistes vont s'intéresser à toi. Ils vont essayer de savoir qui est ma famille, quelle gueule a ma famille, à quoi il ressemble, quel visage ils peuvent avoir. Il faut que vous soyez au top niveau. Je serai pas contre les filles. Et voilà, c'est ça, un petit lifting, pourquoi pas, tiens, évidemment. Ah, cette grande star, donc on fait sous sa team, on est toujours au top. Bon, dans moins de 10 minutes sur Fun Radio, on fera le chéri, je peux te faire cocu. Si vous voulez, vous aussi participer pour gagner votre écran plat LED Full HD, eh bien, à vous de jouer. Vous appelez maintenant Sandro pour vous inscrire 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Virginie, tu connais le principe du chéri, je peux te faire cocu? Ouais. C'est quoi le principe? Bah, je dis ouais, mais c'est pour vous faire plaisir en vérité, quoi. Bravo. Tu sais ce que tu mérites, un coup de pelle dans la gueule. Tu mérites un coup de pelle dans la gueule, Virginie. Voilà. Non, je n'aime pas ça. Le attends, Toff, il va lever sa jambe. Dans ta gueule, Virginie. Exactement. Bon, le principe du chéri, je peux te faire cocu, c'est si vous êtes par exemple une fille, ça marche dans les deux sens. Hein. Si vous êtes une fille, vous avez décidé de piéger votre mec, eh bien vous nous appelez évidemment, vous passez à l'antenne, et puis bah vous l'appelez votre mec en direct à l'antenne et vous lui faites croire, non pas que vous l'avez trompé, évidemment, ça c'est pas drôle, mais simplement que vous avez rencontré un gars, en l'occurrence moi, Michel, hein, celui qui arrête pas de faire. Enfin bref, à gueuler comme un psychopathe. Que ce mec vous a proposé de coucher avec vous juste un seul soir. Et puis voilà, normalement il devrait un peu s'énerver. Pareil si vous êtes un mec et vous voulez piéger votre copine. Et s'il s'énerve et qu'on se marre, l'écran full HD LED sera pour vous. Voilà, c'est pas compliqué. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour vous inscrire. Surtout, n'hésitez pas. Bon, alors Ludovic. Oui. Bon, avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. De quoi on parle avec toi? Ben moi, c'est-à-dire que, comment dirais-je, moi j'aimerais rentrer dans la pornographie, quoi, mais bon, je sais pas comment faire, quoi. Tu veux rentrer dans la pornographie? Oui, voilà, oui. C'est-à-dire dans la vidéo, tu veux rentrer dans quoi? Enfin, le ménage, dans la vidéo. D'accord, ok. C'est-à-dire, tu veux faire des films de cul? Oui, voilà, oui, exactement, oui. Ah, voilà, si tu disais les choses comme par leur nom. Mais t'as déjà fait des films de cul? Non, je veux dire en privé ou enfin tu vois des petits films amateurs. Tu t'es déjà auto-filmé? Ouais. Non, jamais, parce que je suis célibataire, donc c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Est-ce que c'est pas pour ça que tu veux faire des films pornographiques? Pardon? Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça va faire depuis 5 ans. Ah oui, 5 ans, ouais. Et le dernier rapport? Bah, le dernier rapport, bah, il y a 5 ans. Des fois, ça m'arrive des fois à passer par là, mais bon, généralement... passer par là, quoi. Donc, en gros, tu veux faire acteur de film de cul parce que t'as pas assez de relations sexuelles dans ta vie tous les jours, c'est ça? Bah, c'est aussi ça, oui. Mais tu sais qu'un... Parce que, après, je vais peut-être casser ton rêve, hein, mais film de cul, c'est pas baiser des meufs toute la journée et tout, c'est pas génial, en fait, apparemment, hein. Bah oui, je sais, je commence ça aussi, c'est pas tous les jours comme ça, mais bon. Parce que je t'interromps, mais tu sais que Toff, attention, encore une petite histoire, hein. Toff s'est fait virer, hein. Il avait postulé pour devenir actrice de film de cul et il s'est fait rejeter. Toff en petite serveuse, j'aimerais bien le voir. Il s'est fait rejeter apparemment trop petite bite. Ah, c'est vrai, c'était ça le... Non, c'était pas ça. De quoi, Ludovic? C'est le risque du métier. Bah ouais, mais bon, alors c'était quoi l'histoire, Toff, si c'est pas ça? Non, mais c'est juste qu'il faut, il faut une endurance de ouf, quoi. Ah ouais, oui, c'est ça, trop petite bite et précoce. Non, c'est pas précoce là-bas, c'est-à-dire qu'il faut une endurance, c'est-à-dire qu'en fait les mecs ils ont 3-4 éjaculations sur t'es obligé de tucher une bol pour aller faire du Mais ouais, les mecs ils éjaculent 3-4 fois sur c'est pas vrai ça. De quoi? Non mais ça c'est par le montage. Le mec il éjecule pas 3-4 fois comme ça, c'est pas possible. Parce que apparemment en fait j'ai appris ça récemment avec le doc, ce serait du lait concentré sucré en fait, la majorité du temps. C'est pour ça que les meufs elles sont là. Mais oui. Ah c'est génial, j'adore. Bah oui, forcément grosse vache, c'est du lait concentré sucré. Ah putain. Bah oui, Sandro va faire cul maintenant, c'est pour avoir le lait concentré sucré. Ah bah j'ai fait actrice de cul. Ah oui, actrice. Ah oui, exactement, j'ai changé d'avis. C'est parfait, la radio c'est un trophée. Et oui, un trophée, c'est ça, comme ça tu pourras dire t'avais, je dédicace ce trophée à ma mère. Hein, les European X Awards, ça va être cool. Non mais Ludovic, t'as déjà quand même vraiment réfléchi à tout le bordel? Non mais moi j'ai réfléchi déjà depuis 5 ans. Moi je suis brossé à fond dedans, quoi. Mais bon, pas l'amour sale, quoi, l'amour propre, quoi. Ah oui, c'est tellement propre. Ah ouais, c'est tellement propre. Ouais. C'est tellement... Mais c'est quoi ton actrice préférée par exemple? Moi mon artiste préféré, moi des fois, j'ai des films, quoi, des fois la Pamela, des trucs comme ça, quoi. Non, je te demande ton actrice préférée, genre je sais pas moi, Clara Morgan, Oxana, j'en sais rien, j'ai pas moi. Pas spécialement en tête parce que voilà, mais bon. Tu te branles sur laquelle le plus là? Oh là là. Ouais, c'est sur laquelle? Il veut juste baiser. Moi j'ai pas de nom spécialement en tête, mais bon, je vois une jolie fille, voilà quoi. D'accord, ok, ouais, tu vois une jolie fille, t'as envie de la pécho, quoi. Bah voilà. D'accord, ok. Voilà. On te proposerait Toff comme meuf dans un film de cul, t'y vas? Bah ça dépend comment elle est roulée, quoi. Ah ouais, bah Toff est bien roulée, hein. C'est une bonne meuf. C'est une, hein, de ces bombes de meufs, ouais, mec. Ouais, Toff, c'est une putain de meuf. Tu l'as jamais vu sur le site? T'as jamais été voir Ludovic sur le Facebook? Attends, à la question, t'as déjà été voir la gueule de Toff sur le Facebook? Tu me réponds oui ou non? Non mais moi franchement j'y vais jamais sur Facebook. Ah t'as pas de non book. C'est face. D'accord, non, parce que Facebook pour moi c'est pour ça fait un peu petit, quoi, et j'aime pas ça, quoi. Ça fait petit, oui, c'est vrai qu'on se sent un peu enfermé sur sur Facebook. C'est vrai, t'es un peu excité, tu te sens un peu sur Facebook. Ouais sur Facebook, bah, exactement. Après ça dépend de la taille de la fesse, hein. Bah ouais, bah, n'empêche tu rates un truc, hein, parce ouais, que putain Toff c'est une grosse salope, hein, Toff. Ah bah ouais. Elle suce. Ah bah... Non mais c'est vrai. Et en plus elle a bien des petites. Je sais pas si elle a passé dessus, donc je peux pas vous dire. Non mais c'est bah franchement tu rates quelque chose. C'est quoi ton style de fille là? Tu préfères brune, blonde? Bah rouquine, blonde ou brune. Ah bah elle est rouquine et elle a un grand nez. Tu préfères brune, blonde? Bah rouquine, blonde, brune. C'est le mec qui est tellement chiant, il s'en fout, il prend tout lui. Des filles rouquines, il en a des pas mal, excusez-moi. Ah mais j'ai pas dit contraire, c'est juste que je te dis, tu veux tout, quoi. Vous n'avez pas eu une rose bleue. Bon écoute, je vais regarder dans mon répertoire téléphonique, car j'ai un grand répertoire téléphonique. Long comme le bras. Voir si je n'ai pas une actrice de cul qu'on pourrait appeler, afin qu'elle te donne quelques conseils. Par exemple, oui. Ce serait pas mal. Bon, écoute, je sais que j'ai Estelle Desanges qu'on avait déjà reçue, il y a Oksana qu'on avait déjà reçue, il y avait Carla Nova, il y avait qui aussi celle qui a voulu baiser avec toi, Tof, et t'as refusé parce que non, c'est Oksana qui. Non, Oksana. Non, non, Oksana, elle était montée dessus, elle t'a fouetté avec une cravache. Ah oui, oh là là. Non, elle était elle en train jamais... de. Si, ah, ils sont en train de te branler, oui. Ah oui, c'est vrai, oui, véridique. Mais on était dans une radio où on n'a pas pu aller plus loin, je t'avais. Non, mais. Oh, le menteur. Oh, c'est toi qui n'as pas voulu aller plus loin. Bah oui, je voulais pas. Je bondais comme un ours. Comme un ours. Bon, Ludovic, reste avec nous. Virginie, toi, tu regardes des films de boules, toi, à mon avis. Cochonne comme t'es, à mon avis, oui, non? Virginie! Oh putain! Virginie! Oh là là! Oh là là. Bon, je disais cochonne comme t'es, tu dois regarder des films de boules, toi, non? Des films de boules, excusez-moi, ouais. Mais j'ai pas fait attention à ce que vous disiez. Alors, je dis cochonne comme t'es, tu dois regarder des films de boules, toi, non? Du porno, hein, pas des jeux de boules. Oui, oui. Avec le cochonnet et tout le merdier. La pornographie! De la pornographie! Non, moi j'aime bien surtout, c'est du Marc Dorcel. C'est quoi ton acteur? Avec Tof, t'aimes bien Tof? Mais calme-toi. N'importe quoi, ouais. Bon, t'aimes bien... Dans ton cul, au connard. Non. Et ça? Ton cul. Non. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est quoi ton film préféré? Bah, tous les Marc Dorcel. Ouais, mais d'accord, mais c'est quoi ton acteur ou ton actrice préféré? Moi j'aime bien, c'est une actrice mais je suis pas lesbienne, ça c'est qu'à le dire. Ouais. C'est Angelica Black, ouais. Ah oui, elle est pas mal. Toi tu te la ferais bien quand même Virginie, non? Ça va pas là. Mais t'aimerais bien. Tu sais qu'il y a un truc sur Twitter apparemment, on dit que Virginie là du 59, elle est chaude sur les meufs. Hein. Parce que ça rime 59 et meuf, t'as vu? Non mais attends, mais moi c'est le bruit qui court sur Twitter, le Facebook. Une petite blague vite fait là. Parfait. Bon, on va s'écouter Pitbull, elle était super drôle la blague Virginie, c'était magnifique. Pitbull et Kesha maintenant avec Timber. On se croirait dans le Texas. Oh yeah. Yeah, allez, come on, tout le monde monte à cheval, c'est parti. It's going down, I'm yelling timber. Ah, il est bon le nouveau Pitbull et Kesha sur Fun Radio, c'était Timber. Venez foutre le bordel tous les soirs. Tu me dégoûtes. No Limit. Fun Radio. Mickaël No Limit. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio avec le hashtag Mickaël, ouais. Sur le Twitter. Je rappelle que tout à l'heure on fera le top tweetos, lequel évidemment, quel est l'auditeur qui est le plus actif sur le Twitter de l'émission. Eh ben n'hésitez pas, hashtag Mickaël, bien entendu. Vous laissez votre message, peu importe si ça parle de l'émission ou pas forcément. Hashtag Mickaël, allez-y bien entendu. Alors on en est. T'as un petit top là, qu'on fasse un petit topo pour voir les 5 premiers? Bien sûr. Alors numéro 5, c'est lequel pour l'instant? Numéro 5. Alors numéro 5. Numéro 5, c'est Ted Dance. De qui ça? Ted Dance. Ok, d'accord. Dance. Ok. Jeans. Ouais. Comme jeans. Ouais. Je crois que tu le dis vachement mal parce qu'en fait le mec est vénère à chaque fois. Ouais, mais il a qu'à prendre un truc facile à dire. Il m'a encore envoyé un message tout à l'heure, d'ailleurs j'avais dit que je lui mettrais un coup de pelle, c'est fait. Bon, numéro 4. Numéro 4, Let's Be Freaks. Ouh là, elle a perdu des points là. Ah oui. Numéro 3. Fullness Hope. Ok, numéro 2. Alors Mel Pedretti. Très bien, numéro 1. And God Bless Holly. God Bless Holly, très bien. Attention, s'il y a du changement là, c'est bien. On va voir comment ça se passe à 2h du mat là. Vous avez une heure et demie encore pour venir avec vos hashtags et Mickaël, bien sûr, sur le Twitter de l'émission. Hashtag M-I-K-L en toute simplicité. On attend évidemment tous vos messages. On fera la réponse également à la colle dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis il y a Mélie qui dit réponse au sondage également. Moi c'est 1m60, 48 kg, poitrine 85D. Et dernier pantalon acheté, c'est quoi? C'est du 36. Ah ouais. Oh, oui. Ah ouais, moi j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est beau. Voilà, en toute simplicité, évidemment. Bon, alors, nous avons Ludovic qui est avec nous. Là, Ludovic, on récupère. Toujours là, Ludo? Oui, c'est toujours là, oui. Bon, de Saint-Nazaire qui, veut se lancer dans le film de cul. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Bon, très bien. Et alors, Ludovic, ça tombe très bien puisque nous avons... c'est une amie. Il est déjà passé plusieurs fois dans différentes émissions que nous avons eu l'occasion de faire. C'est Oksana qui est avec nous. Comment ça va, Oksana? Ça va, super. Bah, content de te retrouver, ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai. Bah oui, la dernière fois t'étais venu, t'avais fait des trucs à Tof, j'en ai parmi. Hein. Oui, je suis. Ouais. Oh, la cravache. J'en rêve toutes les nuits encore. Ah bah ouais, comment te dire que. Bah, il s'en est jamais remis, hein, ça c'est clair. Mais bon, d'abord, Tof, voulais juste vérifier que t'es pas changé. Bien sûr, alors, Oksana, combien mesures-tu? 1m65. Combien pèses-tu? 55. Quel est ton tour de poitrine? 90C. Oh, j'adore. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Oh, j'ai pas de pantalon moi, mais c'est une question. Des strings, des mini-jupes, enfin. Oh, ça suffit. Ah bah oui, mais bon d'un là. D'un coup il a repris de la patate l'autre là-bas. Ouais, ouais, là tout d'un coup c'est réveillé effectivement. Ouais. Oh là là, oh, je me sens beaucoup mieux. Eh bah tu m'étonnes. T'as vu à côté de quoi t'es passé, Tof, t'es vraiment un con. Hein. Ouais. C'est vrai. Mais en plus, on s'est croisés il y a pas longtemps. Enfin, bah oui. Donc. C'est vrai. Mais tu resteras mon plus grand échec sentimental. N'importe quoi. Bon, dis-moi Oksana, comment ça se passe au niveau film là pour l'instant? Il y a des trucs qui arrivent? Je vais participer à deux films, en principe, enfin, deux projets de films dans le X. Sinon, je vais participer aussi à un court-métrage non X. Oh. Voilà, donc. Oh non, tu vas quand même pas faire des films normaux, entre guillemets, là. Ah non. Mais pourquoi pas? Ou alors des films à la limite érotiques. Non, c'était l'itinéraire d'un caïd, c'était un court-métrage, en fait. Et c'est bien parce que ça permet de faire des choses différentes. Ah oui, c'est sûr. Bon, même quand on regarde le film, on va faire des choses différentes, hein, du coup. Ouais. Mais je peux très bien faire des films normaux, ça n'empêche pas que j'ai toujours. J'aime toujours le sexe, de toute façon. Ah bon, ça va. Non, mais alors, voilà, rassuré. Non, mais ça ne change pas du tout ma personnalité, mais alors. Alors, ok. Alors, me voilà rassuré. Bon, dis-moi, Oksana, il y a Ludovic, un auditeur qui nous a appelé de Saint-Nazaire, là, parce qu'il veut se lancer dans le film porno, et donc je pense qu'il ne connaît pas très bien les règles, et qu'il ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors, tu vas répondre, hein, Oksana. Est-ce que faire un film porno, c'est prendre son pied du début à la fin et se taper un maximum de meufs ou de mecs dans ton cas, quoique? Eh ben moi, je prends mon pied, mais c'est pas, faut pas penser. En fait, il y a énormément d'hommes qui voudraient participer à un film porno. Et en fait, c'est vrai qu'ils veulent le faire parce qu'ils pensent qu'ils vont se taper plein de nanas, et voilà. etc. Et en réalité, on est face, enfin, les mecs, ils sont face à, à la réalité, c'est que c'est très difficile d'avoir une érection pour un homme parce qu'il se retrouve son sexe et la caméra, en fait. Exactement, ouais. Et donc, il se retrouve pas en tête à tête avec une fille, etc., le truc de l'amour, machin. Non, il se retrouve dans un contexte avec, donc, la fille. Mais aussi le réalisateur, la maquilleuse, le mec qui apporte le café, exactement. Le mec qui apporte le café. Ah, tout va bien, ça se passe bien et tout. Lumière, il va falloir que tu bandes un peu plus, hein, parce que c'est pas assez dur là, hein, Coco, là. Hein. Alors, on lui dit pas comme ça, parce qu'on sait très bien que ça risque de pas l'aider. Mais c'est vrai que y a un tas de choses que les garçons qui fantasment sur une scène de cul ne pensent pas. Ouais. Et au moment où il dit, maintenant c'est mon tour, il faut que je bande clairement et que on attend de moi une érection et quelque chose, c'est beaucoup plus difficile. Mais tu le vois en plus dans certains films que les mecs ils sont demi-molles et que ils serrent le bout pour que ça rentre quand même, quoi. Ouais, c'est clair. T'sais, parfois le mec ça retombe et t'as envie de te dire, mais putain, comment le mec il fait pour bander mou, il a une putain de bombe. Mais il y a un moment t'as plus envie, hein, ça c'est clair. Alors il y a des moments où on voit pas le sexe par exemple, donc on demande pas à l'acteur d'avoir une érection, par exemple si c'est une scène en gros plan, il y a des moments. Oui, il y a des moments où t'es là, en fait, t'as absolument pas la gueule. Dans un film érotique, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce que dans un film érotique, par exemple, c'est vrai, etc., la pénétration? Non, bien sûr que non, il n'y a jamais de pénétration dans un film érotique. Ouais, mais voilà, mais c'est ça. Bon, et donc Ludovic, si t'as des questions à poser, n'hésite pas. Hein, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Hein. Oui, Ludo. Salut, c'est Ludo. Allô? Oui, je suis là, si tu veux. Ah, voilà. Moi, j'ai essayé de chercher, quoi. Bon, je suis internet, tout ça, mais bon. Non, j'ai rien compris. Calme-toi. Ludovic, comment t'expliquer que je n'ai rien compris à ce que t'as dit, là? Parce qu'à mon avis, il est en train de se branler. Je me suis un peu endormi un peu et. Tu t'es un peu endormi, t'es sérieux, là? Non, mais tout à l'heure, pas là, mais tout à l'heure. Mec, t'as appelé Oksana au téléphone, tu t'es endormi? Non, c'est comment dirais-je moi dans mon domaine, j'ai cherché quoi sur internet. Non, mais vous savez, des fois, il y a des annonces sur Internet, mais bon, ça donnait sans aucune réponse, quoi. Ludovic, sans déconner. Calme-toi, respire. Ça ouais, va respire, bien. Tranquille, tout va bien. Reste et mets cool. tes mains en l'air. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et touche pas à ton zieille, hein. Non. Voilà, très bien. Touche pas à ta bille, tout va bien. T'inquiète pas. Ah non, je sais rien du tout, ni rien. Je non, non, on sait jamais. On sait jamais. On sait non, jamais. On rigole. Là, Je préfère te prévenir. Bon, Ludovic, t'as aucune question à poser à Oxana. C'est-à-dire qu'elle t'explique, t'es là. T'as une actrice, une professionnelle, et t'as rien à dire. Bah si, par contre, quand même, je cherche de rentrer dans ce domaine. Non, je comprends rien, Ludovic. Tu cherches de rentrer, vas-y, tu veux rentrer où? Bon, Ludovic. Allez, recommence doucement. Qu'est-ce que tu as comme question à poser? Non, je disais que, comment dirais-je, je cherchais de rentrer dans ce domaine-là, mais je savais pas comment. Alors le truc c'est que pareil, il n'y a pas de casting, il n'y a pas de... Et puis on peut pas... Enfin, je veux dire, il n'y a pas un entretien d'embauche. Bonjour, je cherche pour rentrer dans ce métier et tout. Non, non, c'est quoi, il n'y a pas à la NPE une catégorie pour l'emploi, ouais. Acteur de cul, acteur, actrice, pas de problème. Ah merde, moi je voulais aller cocher cette case-là, tu sais, sur le site internet. C'est ça, ouais, t'as raison, ouais. Non, en plus, il y a très peu d'acteurs, très peu d'actrices, en réalité. Bon, enfin, par exemple, en France, hein. En Belgique, pareil, il n'y a pas de prunge, quoi. Je connais pas de production vraiment reconnue. Enfin, j'en connais très peu de prod, d'ailleurs, en Belgique. Non, même pas, c'est... Il y a très peu de prod en fait. Ah bah, après, lui en même temps il est à Saint-Nazaire, donc des fois que t'auras un truc là-bas, c'est jamais. Ouais. Non mais après il y a beaucoup amateurs, etc. C'est dommage, les productions du port, ça aurait bien donné moi. Ouais. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'acteurs qui voudraient être dans un film. Et j'ai demandé un jour au réalisateur, mais comment tu fais avec toutes les demandes, comment tu fais pour trouver? Et en fait, la première scène, il demande au mec tout simplement, ou même à la fille, de se masturber devant la caméra en fait. Ah ouais, et il a déjà bonne chance. Hein. Et voilà. D'ailleurs, on va faire un essai, tiens, Ludovic, commence à te branler devant la radio là pour voir. Ah non, moi je suis pas rendu comme ça. Ah bah voilà. On est en plein casting là. Déjà de rater ton casting. Allez, ah bah voilà, casting. Non, mais c'est pas question ça, c'est question ça, c'est pas pareil, ça c'est la radio. Mais c'est pire encore. Là t'es tout seul chez toi. La radio contre la réalité, quoi. Là t'es tout seul chez toi là. Ah non, moi je suis pas comme ça, non. Non, bah oui, bah bon, mec. Mais tu veux faire du cul et t'es pas comme ça, tu sais pas sortir ta bite comme ça. C'est pas demain que tu feras une scène avec Oxana. C'est pas demain que tu feras une scène avec Oxana. Non. Bah ouais, bon bah en tout cas bah écoute, merci Oxana, hein. Bon la prochaine fois bah quand tu reviens quand t'es bon nous on est à t'es où là, t'es à Paris Oxana, t'es où? Je suis dans le nord de la France. Dans le nord? Ah d'accord, ok, bon bah très bien. Eh bah écoute, quand tu passes à Paris, tu passes nous voir. Avec grand plaisir. Très bien, t'en feras ravi. Et ramène ta cravache. Plein de souvenirs. Et ramène la cravache. En plus on a des barres au plafond, on va pouvoir l'attacher avec des menottes. On l'avait pas avant, donc ça va encore mal finir. On va pouvoir se marrer, ouais. Bah en tout cas, merci beaucoup Oxana, au plaisir. Et donc bah sérieusement, tu passes quand tu veux sur Fun. T'es la bienvenue. Merci, mais je vous embrasse. Salut Oxana. Moi aussi. Ciao, bye. Bon, et Ludovic, bah du coup, reste avec nous encore. Bah, t'as raté une chance là. Dites-nous si vous avez vous aussi peut-être un moment ou un autre, est-ce que vous avez déjà fait des films amateurs avec votre copain, votre copine, comment ça s'est passé? Bien mal. Venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 bien entendu, c'est le numéro du standard. Vous nous appelez d'où que vous soyez, n'hésitez pas, il y a également un message qui est arrivé par SMS. 1m62 50 kg 90 C et 36, c'est Gabriel. Ouh. Et puis il y a Adine aussi qui dit il est impressionné, on pige rien de ce qu'il dit. Benjamin qui dit là, tous les mecs écoutent en connaissant Oxana. Eh ben évidemment, hein, quel mec normalement constitué ne la connaît pas. GTR qui dit c'est que du sans faute ce soir pour l'instant, que des bombes à Fun. Bah oui, évidemment, quand on vous a dit que les plus belles meufs qui écoutent la radio écoutent Fun, ça a été prouvé. Elles sont maintenant là. On fait juste un sondage pour voir un peu voilà, pour faire un petit tour du propriétaire global, quoi. C'est ça, c'est pour mieux se rendre compte encore que les meilleurs sont là. Exactement. Et alors, il y a Kawet qui dit, mais ça doit être chaud les tracteurs porno quand même. Ouais, franchement, ça doit être chaud, ouais. Tête qui dit, j'ai pas de pantalon, mort de rire. Donne la taille des jupes. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais Oxana, elle pouvait donner, elle pouvait dire. Parce qu'on la connaît déjà, donc on sait que c'est du bon de barré. Mort de rire, vous êtes grave en effervescence ce soir, c'est Nanou, pas plus que d'habitude. Et Mélie qui dit, 1m60, 48 kg, 85D et 36 de pantalon. Là. Voilà, et puis il y en a d'autres encore qui sont arrivés, on les lira dans quelques instants sur Fun Radio. Soyez les bienvenus si vous arrivez dans quelques minutes. Et ben juste après le son de Selena Gomez, on donnera la réponse Clément à la colle, d'accord? D'accord. Donc il vous reste, si vous voulez participer, allez-y. À minuit 39, évidemment, il y a moins de gens qu'à 23h, donc vous avez plus de chances d'être tiré au sort, sait-on jamais. Il faut répondre à la colle de Clément, donc c'est l'histoire de deux voisins. Il neige pendant la nuit, le matin, il y en a un qui se rend compte qu'il a trois fois plus de neige que l'autre. Comment ça se fait? Alors, je peux vous donner un indice. Quand il y a du gazon, par exemple, le matin, il se rend compte également qu'il a trois fois plus de gazon que l'autre. C'est un indice. Oui, c'est vrai. Ou s'il y avait de la boue, il aurait trois fois plus de boue. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que ce mec dans son jardin a trois fois plus de tout dans son jardin? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64 900 ou au 63-22 depuis la Belgique. On s'écoute Selena Gomez, Clément? Oui, c'est parti. Très bien, allez, on y va. Let's go, slow down, on écoute ça maintenant sur Fun. C'est Mickaël No Limit, bienvenue, on est là jusqu'à 2h sur Fun. Tous les soirs, Fun Radio, 23h, 2h, No Limit. Allez vous faire foutre, Mickaël, sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio avec toujours vos tweets, hein, bien sûr. Allez-y, n'hésitez pas, il y a Jason qui dit disjoncté de Fun Radio, surtout le psychopathe de Toff. Il y a également un message de Melou qui dit hello l'équipe. Mickaël, petit message de bienvenue également. Eh ben oui, écoute, avec plaisir, un petit message de bienvenue là. Allez hop, c'est parti. Ferme ta gueule, gros bâtard. Eh ben voilà, ça s'est plié comme ça. Et puis un petit message aussi qui est arrivé. Peut-être qu'un télésiège passait au-dessus de chez son voisin et que les personnes ayant fait du ski ou du snow faisaient tomber de la neige dessus. Ah oui, ça c'est par rapport à la colle. Bon, on va la faire dans un instant, tiens. Et alors, il y a le prince Adia qui dit manger des pénis. Pas vraiment, je crois qu'il y a mieux à faire avec un pénis. Oui, c'est sûr, le prince Adia. Puisqu'en fait, c'est un chinois qui a décidé de faire une espèce de soupe de pénis. Apparemment, on serait meilleur en termes de sexualité. C'est ça, pardon, non, donc, c'est oui, ça aide, enfin ça aiderait à avoir une meilleure libido, voilà. Et à être beaucoup plus actif. Bon, il y a Clem qui dit oh my god, c'est quoi ce restaurant? Bon, on va appeler des gens dans un instant, voir s'ils seraient intéressés. Asia qui dit il est fou ce chinois, il mange du pénis. Jordan qui dit mes parents pourraient avoir leur message de bienvenue, s'il vous plaît, ils ne diront pas non. Ah, pour les parents, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, un petit message pour les parents. Alors, ben voilà. T'as mis au monde, t'as calculé sous ton front, connard. Voilà, c'était notre ami Carlo, bien entendu. Bon, allez, tous vos messages, vous les balancez, n'hésitez pas. Il y a Noël qui dit voilà comment commencer une bonne semaine de taf. Faut écouter Mickaël No Limit. Bonsoir à toute l'équipe. Et j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Ah, bah toi non plus, décidément. Mais je peux pas le mettre pour tout le monde. Là, on y va pour notre ami le Corse. Espèce de petit pili de merde, va. Voilà, lui, il était en pleine forme. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus. 1h15 sur Fun. Dorénavant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous venez de débarquer, soyez les bienvenus. Pour les anciens, évidemment, vous êtes bien sûr aussi chez vous, comme tout le monde. On fera de la place pour les nouveaux, vous inquiétez pas. Mickaël officiel sur le Facebook, venez nous rejoindre. On est plus de 203 000 depuis hier soir pour une émission qui n'a qu'à peine plus de 2 mois. Ça fait plaisir. Et puis on va prendre Clément maintenant pour la colle. Clément, t'es là? Oui. Bon, on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante. On va voir pour voir un peu comment ça se passe au niveau de la colle. Clément, tu avais posé une colle. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et a la bonne réponse, il ou elle gagne. Sinon, c'est toi qui gagne, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. En plus, t'as de la chance. Là, on est un peu à la bourre. Il est 1h15, donc avec un peu de bol, ça ne décrochera pas. Et du coup, tu pourras faire un hold-up, Clément, et tu repartiras avec la PlayStation 3 et le jeu. Allô? Allô? Bonjour, allô. Comment tu t'appelles? Vincent. Vincent, t'es dans quelle ville, Vincent? Chamalia. Très bien, c'est où ça? À côté de Clermont-Ferrand. D'accord. Bon, alors, Vincent, il y a Clément qui a une colle à te poser. Vas-y, Clément. Donc alors, Vincent, c'est l'histoire de deux voisins, il neige pendant la nuit, le matin, l'un se rend compte qu'il y a trois fois plus de neige chez l'autre. Pourquoi? Alors, est-ce que t'as une idée, Vincent? Oui. Alors vas-y, fais péter pour voir. Parce que son jardin est trois fois plus grand que le sien. Ah, Clément. Voilà, c'est la bonne réponse. Eh ben voilà. Eh ben voilà, Vincent. Eh ben c'est gagné Vincent, hein. Tu repars avec la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que mercredi, évidemment, qu'on vous offre en... Exclusivité. Eh ben voilà, bravo. Merci. Clément, là, il était temps. Ah non, c'est même Vincent qui l'a fait. Bon bah très bien, bah bravo à toi Vincent, le jeu, la console, elle est pour toi, félicitations. Et puis tu retournes chez Sandro au standard, on prend tes coordonnées, on va t'envoyer ça rapidos. Merci à vous tous. Salut Vincent, à bientôt. Hein. Salut. Ciao. Et Clément, malheureusement, c'est perdu, mais c'est pas grave, hein. Tu retentes ta chance quand tu veux et on va quand même te filer un pack fun, Clément. D'accord, merci, c'est avec sympa. Avec plaisir. Salut à toi Clément, à bientôt. Salut, bonne soirée. Allez,

Non, je suis pas chaude, non. Ah bon? Bah attends, on vient de me dire que t'étais disponible, ouverte. Non, il a juste dit que j'allais larguer mon mec parce qu'il vient de me faire foutre. Mais... Non, Thierry, elle a dit qu'elle aimait la levrette. Ah, et en plus, t'aimes la levrette? Et elle met des strings. Ah, et tu mets des strings? Ah, oui, vas-y, on est fait pour se rencontrer. Moi, j'adore les strings en levrette. Oui. Bah, tu vois, donc, moi, j'ai envie de dire, rencontrons-nous, faisons l'amour et je vais te faire oublier ton espèce de. Enfin, je sais pas qui c'était, mais tu vas l'oublier vite, quoi. Bah, il s'appelle Jérémy. D'accord, bah, tu vas oublier Jérémy. Je vais tellement te ramener que tu te souviendras même plus de son prénom. Je crois pas que je l'oublierai, non. Oh, c'est tout de suite. Tu dis ça, mais c'est parce que tu m'as pas encore vu. C'est parce que tu m'as pas encore senti. Non, mais Thierry, c'est parce que je l'aime, tu vois. Elle va le récupérer. Oh, c'est mignon, t'as vu, Jérémy? Elle vient de te faire une déclaration d'amour. Ouais, bah oui. Comme c'est ringard. Non, c'est beau. Bon. La chance. Charlène. Oui. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, il t'appelait juste parce que c'est un con. Ouais, bah oui, Charlène, et on termine comme ça sur cette note positive de paix, d'amour, et c'est là qu'elle va dire, espèce de sale enculé, va te faire foutre. Ouais. Et là, je pense qu'on peut se marrer encore plus. Charlène. Oui. Bon, ben voilà, il savait pas trop comment te dire qu'en fait tout ça était vrai. Voilà, bah, c'est un mental, voilà. Voilà, donc voilà, et il voulait savoir si il pouvait vraiment coucher avec une autre meuf. Bien sûr, mais il a juste le droit d'y croire. Comme je l'ai déjà dit, c'est beau de rêver. Bon, Jérémy. Oui. On va filer le cadeau à Charlène, hein, forcément. Hein, ouais, monsieur, elle l'a mérité. Bah oui, plus que toi. Ah bah non, je suis pas d'accord là. Ah ouais, mais genre, rien à foutre. Charlène, tu veux garder le cadeau pour toi ou pas? Oui. Ah d'accord, ok, bah, très bien. Elle t'a fait la plus belle déclaration d'amour du monde, donc alors, tu vas prendre pour ça. Moi, ce que je peux t'offrir, Charlène, vu qu'apparemment j'ai bon, je t'offre un god multifonction, un sextoy. Non, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, arrête ton cinéma, là, arrête ton cinéma. Eh, le bambab de Bamako, attention. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as dit, Charlène? Il dit ça y est, il s'y croit. Ah bah c'est oui, ça, ouais. T'es bien contente. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, c'est ce qu'elle te dit, ça se trouve, elle a déjà un autre mec, tu peux pas savoir. Bon, on va vous filer le casque focal, la valeur 200 euros qu'on vous offre ce soir. Je vais vous renvoyer chez Sandro Standard et vous revenez quand vous voulez tous les deux. Salut à vous deux. Salut, bisous. Ciao. Salut, bisous. Bon, et puis si vous voulez vous aussi jouer, n'hésitez pas, hein, 01 42 48 5000, on rejoue la semaine prochaine. 02 851 4x0 depuis la Belgique, c'est le chéri, je peux te faire cocu comme tous les lundis soirs. Il y a Vincent qui dit merci à toi, Mickaël, et toute l'équipe pour la PS3 et le jeu, vous êtes cool, je vous écoute tous les soirs. Merci Vincent, bah oui, c'est lui qui a gagné il y a 5 minutes là sur l'antenne avec la colle. Stéphanie qui dit t'as rien à dire, t'es qu'une meuf, sacré Michel. Ah ouais, quel connard celui-là quand même. Ah mais c'est vrai. C'est vrai, quel salaud, con. Michel. Le prince, c'est-à-dire qu'il dit double bonheur ce soir dans le chéri, je peux te faire cocu. Samantha et Michel sont là tous les deux. Il y a Billy qui dit t'es qu'une meuf, non mais chut. Ah mais le but c'était d'énerver aussi évidemment. Benfikista aussi qui dit la meuf elle s'en bat les couilles. Il y a Clem qui dit pour une fois que c'est un mec qui piège sa copine, ça fait plaisir. Et puis il y a Caroline aussi qui dit pour le sondage 1m72, 56 kg, 85 c. Et le jean c'est le 38. Wow. Ah ouais, ma foi plutôt pas mal. Hein, même ouais, très très bien. Ma foi plutôt bien. Allez, balancez tous vos messages, évidemment, si vous voulez venir délirer avec nous. On est là jusqu'à 2h du mat. Et attention, vous êtes nombreux à vouloir être numéro 1, apparemment, sur le Twitter du Top Tweetos. Alors, on fera ça tout à l'heure avant 2h du mat. Donc, continuez à vous battre pour la première place. Vous avez de la chance, les Biflux a abdiqué ce soir. Donc, vous avez de la place. Donc, ah si ouais, vous voulez prendre. Elle a bien abdiqué. Hein. Ah bah ouais, non, bah là, j'ai toujours dit que le lundi, c'est pas sa journée. Elle est première les autres jours, mais le lundi, il y a une place à prendre. Donc, si vous voulez la pécho, la place, justement, bah, disponible. Il suffit simplement de mettre un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. Même si vous écrivez à d'autres sujets, à d'autres personnes, peu importe, vous mettez le hashtag et Mickaël et puis bah vous serez du coup top tutos peut-être. Alors, numéro 5, on a le score là pour bien sûr, le prince Nadia. Ah, numéro 5, le prince Nadia qui a perdu des plumes par rapport à tout à l'heure. Numéro 4, Safraja. Numéro 3, Nanou. Numéro 2, Tête de Dins, Danse. Oh, t'es relou à pas savoir prononcer à chaque fois, tu prendras un coup de tête. D-E-A-N-S, tu prononces comment toi? Bah, Danse. Danse, bah c'est comme je disais avant et vous me cassez les couilles. Bon, non, numéro c'est pas 1. Danse, c'est Dings. Dance. Bon, bref, c'est Dings ou numéro 1. Bah, c'est God Bless Holly. God Bless Holly. Voilà, il reste une heure. Top Twitter, c'est bah, résultat dans 2h du mat, tout simplement. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous n'hésitez pas, bien sûr. Hein, Top Twitter, vous mettez hashtag et Mickaël sur le Facebook et sur le Twitter. Surtout sur le Twitter d'ailleurs. Et puis, bah, on va s'écouter le son de Martin Garrix maintenant avec Animals sur Fun Radio. On aura aussi Bilal dans un instant. Là, on devra avoir des nouvelles aussi par rapport à hier. Hein, Bilal, t'es là? Ouais, je suis là. Ok, bah bouge pas de là, Bilal. On aura Ludovic encore avec ses films de cul. Et puis, bah on va faire quelques appels aussi avec Toff là. Ah, ça serait bien. Des appels pour la soupe de beat. On fait ça dans un instant après. Martin Garrix sur Fun. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps, là. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio avec tous vos messages, évidemment. Là, n'hésitez pas à vous balancer tout ça. Il y a Stéphanie qui dit tu réponds aux SMS que les années bisextiles ou ça se passe comment Je comprends pas. Je réponds aux SMS que les années bisextiles. Je sais pas. On peut pas t'aider. Stéphanie, explique-moi. J'ai pas bien compris ce que tu essaies de me dire. Là, n'hésite pas surtout à me prévenir et à m'écrire de manière un peu plus détaillée. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, et puis plein de messages aussi, notamment ceux qui veulent des petits messages perso, bien entendu. Il y a Lufigam aussi qui dit salut Mickaël. J'ai jamais eu mon message de bienvenue. Mais le meilleur, s'il te plaît. Alors toi, tu sais pas à quoi tu t'avances, toi. Hein. Alors le meilleur. Je vais te mettre. Je crois qu'on peut pas faire pire que ça. Hein. C'est celui-là. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh bien, viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi, tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, c'était en toute simplicité. C'était notre ami Corse qu'on avait appelé un soir et qui était, comme vous avez pu le remarquer, en méga pleine forme. Il était même au plus qu'au taquet, hein. Ah oui, non, il était très gentil, très sympa. Moi, d'ailleurs, je l'aime beaucoup, celui-là. Au taquet du taquet, même. Bon, on fait encore quelques appels maintenant. Allons-y. Puisque vous avez été nombreux à nous envoyer des numéros de téléphone comme chaque soir, donc merci à vous. Et puis, les appels, c'est par rapport au chinois qui a décidé, qui a mangé du pénis qui fait du ragoût de pénis, hein, du bouillon de pénis. Ouais, du bouillon de pénis, en fait. Alors, il a mélangé un petit peu tout. Donc, il y avait du pénis de cheval, d'âne, de bouc, de chien, de taureau, de cerf. Et donc, il sert ça en Chine, hein, dans son restaurant. Et apparemment, on est meilleur au lit avec ça. Oui, donc on appelle c'est des pour gens ça que j'en fais la promotion. C'est ça. Donc on appelle des gens depuis tout à l'heure pour voir ce qu'ils en pensent et voir s'ils seraient prêts éventuellement à manger pour voir si ça vaut la peine d'apporter ce genre de plat en Europe, quoi. Mais évidemment, gros, moi, il faut pour que tout le monde soit au taquet. Bah c'est ça. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant. En espérant que ça. Oui, ça devrait décrocher. Ça devrait décrocher encore. Et si vous avez des numéros d'ailleurs à nous donner sans droit de funradio.fr, hein. Allez-y, on vous attend. Voilà. Alors, normalement, ça doit décrocher. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonjour, monsieur. J'écoute. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais vous faire goûter ma soupe de pénis. Ah bon ? Non, je dis, je voulais vous faire goûter mon bouillon de pénis. Ah bon, ça doit être bon, alors. Très bon, monsieur. Et en plus, il paraît que ça va vous aider à avoir une vie sexuelle épanouie. C'est bien, je suis bien content pour vous. Tant mieux. Alors, quand est-ce que je vous fais goûter ? Vous êtes un petit con, quoi. Con du soir. Mais pas du tout, monsieur. Ah bon, c'est bien. Moi, je vous appelle pour vous aider à épanouir votre vie sexuelle. Oui, viens ici, viens. T'as qu'à venir. C'est ce que je vous propose pour vous faire goûter. Je vais te faire voir. Mais vous allez me faire voir quoi, monsieur ? Peut-être que t'aimes bien. Peut-être que j'aime bien quoi, monsieur ? Écoute, hein. Je vous écoute. T'es un petit con. Mais pas du tout. Enfin, monsieur. Ou alors un gros. Monsieur. Allô ? Il est raccroché. Attends, on va le rappeler. On va rappeler encore un coup, là. Hop, là, c'est reparti. Allez, on y va. Bon. Genre, il est à 15 km de son téléphone maintenant. N'importe quoi. Oui, excusez-moi, monsieur, on a été coupé. J'ai pas coupé, non. Si ça continue, j'appelle la police. Mais pourquoi c'est à eux que t'auras affaire. Mais pourquoi vous voulez appeler la police, monsieur ? Moi, je veux juste vous faire goûter de la soupe à la bite. Bien sûr, garde-la pour toi, t'en as besoin. Mais pas du tout. Avec ta voix de femmelette, là. Monsieur, peut-être que vous voulez que je vous explique comment il fait le bouillon. Allô ? Non, il est parti, là, encore une voix de femmelette. Ça, c'est bon, ça, on va le rappeler, il avait l'air cool. En plus, il a une bonne analyse, hein. Je trouve, en tout cas. Ouais, il a cerné. Ah oui, il a bien cerné le personnage, là, on rappelle. Allez. Est-ce qu'on va encore finir à la police ou pas ? On verra. Bon, là, on va finir. Nulle part, je pense qu'il ne décrochera plus. Merci. Oui, peut-être que... C'est encore la tapette ? Mais peut-être que vous voulez que je vous explique comment je pratique pour faire le bouillon, monsieur. Non, mais je dis, c'est encore la tapette ? Mais pourquoi vous voulez que je sois une tapette, monsieur ? Parce que t'as la voix. D'accord, mais je ne suis pas homosexuel pour autant. On dirait. Mais pas du tout, monsieur. T'en as tout l'air. Vous savez que c'est pas très ça gentil. Ça doit être tracassé, ça. Ça doit pas arriver souvent. Quoi donc, monsieur ? Qu'est-ce qui n'arrive pas souvent ? Oh, je vais bien. Oh, il m'emmerde. Allez hop, je raccroche, il m'a emmerdé. C'est comme ça, c'est fini. Bon, message aussi qui est arrivé là. Il y a Périgle le Source qui dit: je suis tellement heureux avec Mickaël Olimit. Je vous like par mail si vous voulez. Bon, si tu veux, pas de problème. Le Prince qui dit: vous êtes un petit peu con du soir. Ah non, c'est quoi? Vous êtes un petit peu con du soir et il y a l'espoir. Oui, le Prince Adia. Il y a Guess qui dit: j'habite en Angleterre et franchement, rien de mieux que Liverpool, mes amis. Bah, j'ai jamais été à Liverpool. Pourquoi pas un de ces quatre? Adeline qui dit: j'aimerais bien savoir si je suis loin du 5e dans le top Twittos. Ah bah je sais pas, Tof. 9e. Elle est 9e. Alors Adeline, magne-toi encore, hein. Il y a encore un peu de travail à faire là, mais c'est pas mort pour autant. Erika qui dit: j'entre pour la première fois dans le top Twittos au moment où je me fais bloquer par Twitter. Grosse vie de merde. Oh merde. Ah putain. Mon pseudo se prononce Safraja. Tof. Ah bah je voilà. Oh putain, j'y penserai. Ah bah là, Erika, comment te dire que là tu dois être vrai vénère, hein, putain de Twitter. Et alors le prince qui tweetait pour Mickaël, mon petit bonheur de chaque soir, bah merci en tout cas à vous pour tous vos messages. Et puis Pénélope qui dit: puis-je avoir ma dédicace, ma bienvenue Pénélope? Eh bah écoute, avec plaisir, attends une seconde. Alors, oh j'en ai une belle, Pénélope. Va te faire enculer, salope. Voilà, mais alors vraiment classe, hein, c'est parce que c'est toi Pénélope, hein, sinon je l'aurais pas mise, attention. Hein. Bon, tous vos messages, hashtag et Mickaël, continuez sur le Twitter, n'hésitez pas. Et puis il y a Uncut qui dit Etoff, il a cessé la moto. Ah non, il a fait encore tout à l'heure. Il a encore été chez une meuf et tout tout à l'heure avec la moto. Là, elle est en pleine forme. Enfin, tout à l'heure, elle allait bien. Hein. Attends, elle démarre plus de nouveau. Putain. Mais c'est pas en allant plus vite, ça ira plus vite. Hein. Non, il faut mettre un peu de truc dedans. Bon, attends une seconde. De l'huile. Ah, voilà. Allez, c'est parti, voilà, il y a M&M's aussi qui dit voix de femmelette mort de rire, la tapette, c'est dur. Oh, il a l'habitude en même temps, ce n'est jamais que sa vie, hein. Mais oui. Bah oui. Tous ces gens qui m'aiment. Mais voilà, c'est ça. Bon, alors, Bilal qui est avec nous de nouveau là. Salut Bilal. Salut. Bon, 19 ans de Paris, et donc alors explique-nous peut-être un petit peu le. On t'a eu hier au téléphone. Ouais. Voilà, en fin d'émission, et bon, explique déjà pour les auditeurs qui étaient pas là ce qui s'était passé. Ouais, donc c'est un problème avec ma meuf en fait. C'est ouais. Que avant les vacances, on s'est mis ensemble et tout se passait bien au lit, tout ça. Je prenais mon plaisir, elle prenait son plaisir, on kiffait, tout ça. Et genre elle est partie 2 semaines et là depuis la rentrée, en fait, elle fait la planche, comme vous l'avez dit hier. Ouais, elle fait la planche, ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, donc depuis la rentrée, sexuellement il se passe quelque chose, mais bon, elle en a rien à foutre et elle fait ça pour se faire plaisir, quoi. Ouais. Ouais. C'est bien, tu vas pouvoir repasser tes chemises dessus. Ah, et voyons le côté positif, c'est vrai, c'est vrai. Bon, pour résumer, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc en gros, quand toi t'as envie de coucher avec elle, en gros, elle écarte tes jambes, elle dit bon bah viens. Ouais, voilà. T'arrives, tu fais ton affaire et puis après tu te barres, quoi. Ton affaire et après voilà, quoi. Bah voilà. Ouais, c'est ça. Bon, et t'as déjà parlé avec elle? C'est vrai qu'on en avait. Je sais pas si je t'avais posé la question hier. Ouais, mais elle, en fait, elle dit que ça vient d'elle. Ça vient pas de moi. Ou oui, non, mais ça, bien sûr, ça vient d'elle, mais elle t'a pas expliqué pourquoi, parce que comme je disais hier, non. Ça se trouve, elle a peut-être bêtement un blocage, enfin, c'est un blocage, genre un problème au travail, dans sa vie, j'en sais rien, tu vois, un problème de santé, un problème de n'importe quoi. Ouais, je sais pas du tout, non, on en a pas parlé. Tu sais, les meufs, c'est comme des Ferrari ou tu vois, c'est. Non, mais tu vois, il y a un petit grain de sable dans la mécanique et clac. C'est ça, le pneu explose et le. Et après, bim, ouais, l'accident. Non, mais voilà, mais non, tu vois, c'est de la mécanique de haute précision, quoi. Ouais, ouais. Non, je sais pas c'est quoi le souci encore. Bah oui, là, il y a un problème techniquement, effectivement, ouais. Et donc, je vous avais demandé, mesdemoiselles, d'ailleurs, on devait voir aussi une film, semble-t-il. On va essayer de. Bah, dites-nous, les filles, hein, rappelez-nous maintenant, là, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un blocage qui fait que vous aviez plus envie de votre mec, plus envie de faire l'amour, plus envie de rien? Voilà, venez nous en parler. Les filles, je vous attends maintenant au standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On a d'ailleurs Kevin qui est avec nous au cœur de la nuit, sans pub, d'ailleurs. Hein, cherchez pas ailleurs. Il y a que sur Fun Radio, on vous fait pas chier la nuit avec de la pub, on est à la cool, il y a vous, il y a nous, il y a le son. On écoutera d'ailleurs Dubs tout à l'heure avec Tsunami ou encore Alesso et Calvin Harris, ce sera Under Control, c'est nouveau ça. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Le nouveau son de Calvin Harris. Et puis aussi Dubs alias DVBBS. Et ce sera Tsunami. Je vous cale ça évidemment tout à l'heure avant de partir, ça tombe sous le sens. Et puis je vous avais promis aussi le son de, faut pas que j'oublie celui-là aussi, hein, le son de Both avec Both, son que vous avez découvert, toi aussi tu parles bien français, que je vous avais fait découvrir, c'était si mes souvenirs sont bons, la semaine dernière. Voilà, Both avec Both, ça arrivera tout à l'heure. Et Kevin, qui lui par contre est de retour maintenant, 27 ans de Toulon. Bonsoir Kevin. Salut, salut. Comment ça va, ça va ? Salut Kevin. Ça va, bon. Très bien, oui, oui, tranquillement, ouais. Bon, Kevin, toi, tu voulais réagir à Bilal, toi, donc c'est le mec qui était avec sa meuf, qui prend plus son pied au lit parce qu'en fait, elle fait plus rien, elle est juste là, elle écarte les jambes, elle lui dit, bah, viens si tu veux, et en gros, elle s'en fout, quoi. Ouais, ouais, bah, j'avais entendu ça hier soir, du exact. Coup, ça m'avait fait repenser un petit peu, en fait, à une ex à moi, en fait. Ouais. Et en fait, si je me rappelle bien, en fait, il s'était séparé pendant un laps de temps avec elle, en fait. Ouais. Et quand il était revenu avec, après, il y avait plus rien, quoi. Si je me rappelle bien, c'était ça. Oui, c'est ça. Voilà. Non, mais en fait, moi, tout simplement, pour moi, c'est que la meuf, elle allait goûter ailleurs et que pour lui, maintenant, il est de... Enfin, voilà, c'est plus pareil, quoi. C'est qu'elle préférait avec l'autre personne avec qui elle a fait et maintenant, elle ressent plus la même chose avec lui. C'est tout. Pour toi, c'était ça ? Bah, pour moi, voilà, parce qu'on reste, des êtres humains, on n'est pas parfaits, hein, y a toujours mieux que nous. Oh non, donc, mais attends, mais... Faut être honnête, faut mettre la fierté de côté, nous, on est le top du top. Moi et Mike, on est le top du top, là, tu fais partie des merdeux avec Toff. Non, regarde. Moi, je suis le top du top, mais il faut prendre le classement à l'envers. Ouais, voilà, c'est ça, effectivement, ouais, c'est ça. Tu vois, nous, on est un petit peu le jet privé. Voilà, et Toff est le train. Voilà. Corail, il y a notre train, je précise. Oui, quoi, bah, bien sûr. Hein, oh là là, pas le TGV, attention. Hein, que les choses soient claires dans l'esprit de tout le monde, évidemment. Bon, et donc, du coup, Kevin, et après, qu'est-ce que tu as commencé éventuellement à donner à Bilal ? Qu'est-ce qu'il doit faire pour se sortir de ce bordel ? Bah, moi, mon conseil, sincèrement, c'est déjà qu'il y ait une bonne discussion avec la nana, savoir si elle est vraiment pas allée voir quelqu'un d'autre, déjà, qu'elle soit vraiment honnête avec lui. Parce que je pense que c'est un point qui peut être déjà important. Parce que si elle allait voir ailleurs et que derrière elle lui dit pas et qu'au final c'est ça, mais il restera comme un con parce qu'il aura pas de réponse. Déjà rien que ça déjà. Et après, bah, éventuellement, peut-être qu'ils essayent des nouvelles choses aussi. Après je suis pas dans sa vie sexuelle, donc je peux pas. Ouais, mais c'est ça, parce que le truc c'est qu'essayer des choses, bah non mais c'est vrai, c'est oui c'est bien, mais si elle a pas envie et qu'elle est complètement glacée. Tu vois ? Ah bah au bout d'un moment, s'il n'y a pas de solution, mec, qui lâche à faire, quoi. Ah ouais, ouais, ouais, moment, ouais. Tu la laisses tomber, comme ça elle s'écrasera. Ouais, super, merci Toff. Non mais cela dit, mais j'ai besoin de l'avis de filles là, mademoiselle, appelez-moi 01 42 48 5000. Il y a Sandro qui va décrocher, vous passerez direct à l'antenne avec nous. Ou 02 851 4x0. On a le numéro de téléphone aussi de ta copine Bilal, on va peut-être essayer de l'appeler aussi pour voir. Et ouais. J'ai quand même envie d'avoir l'avis d'une ou deux filles avant. Donc mademoiselle, je vous attends. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Tous vos messages, je les attends. Maintenant sur le Twitter également, il y a David qui dit Toff, t'es vraiment con avec ta moto de merde et t'es vraiment et t'as vraiment raté ton coup avec cette meuf loser petit PD. J'ai rien compris David. Le prince Nadia qui dit aussi je suis rassuré, je vois Mickey un top tweet deuxième position à 1h13 du mat. Le plus bon animateur est là. Oh merci, c'est gentil, mais vous savez le top tweet en même temps. Cela dit, c'est tellement compliqué ce truc, on sait même pas très bien quand est-ce que ça marche pas, c'est bizarre. Et il y a Steve aussi qui dit continue comme ça, vous êtes vraiment super et met une calotte à Toff, il va mouiller son string, bien sûr. Tiens, prends ça. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Tony qui dit la meuf de Bilal aime-t-elle le sexe au moins, on ne sait jamais. Ou alors elle est peut-être Gwyn. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être. Eh, hey, Bilal. Ouais. Elle est peut-être Gwyn. Ah, je pense pas. Non, mais on sait pas, on sait pas. Le prince est là qui dit aussi il faut qu'il lui demande tout simplement pourquoi elle fait la planche. Et alors, je pense sûr que ce soit vraiment la bonne manière de discuter, si tu veux. Et puis Pierre qui dit aussi en 2 mois d'émission, j'ai pas eu de bienvenue. Non, Pierre, mais t'es déjà passé 15 fois à l'antenne, Pierre. On va pas tout avoir. Voilà, Pierre, c'est le chasseur d'orage. Donc et voilà. Le voyant en carton. Et celui qui était venu faire un petit peu de voyance avec notamment, il avait prédit une victoire de Monaco face à Paris et Paris a gagné. Ou alors c'était un match nul, je me souviens plus. Bon, allez, Pierre, allez, vas-y pour toi, tiens. D'enculé, t'es. Voilà, en plus t'as le droit au Carolo, toi. Et t'as mis au mot, t'as calculé sur ton front, connard. Voilà. Ta gueule, connard. Bah voilà, et c'est ça. Bon, on va se faire le son de Dubs, donc ça se prononce Dubs, ça écrit DVBBS. On écoute maintenant le son de Tsunami sur Fun Radio. Il est 1h18. Kevin reste avec nous, Bilal reste avec nous, il y a Morgan. Enfin, la vie d'une fille dans quelques instants sur Fun Radio. Soyez les bienvenus, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à 2h. Bienvenue. Le son de Dubs à l'instant sur Fun Radio, alias DVBBS, c'est comme ça, ça s'écrit hein, pour ceux qui veulent l'acheter par exemple. Tsunami à l'instant sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, si vous voulez parler avec nous, vous êtes les, bah, donc les bienvenus. C'est Mickaël No Limit tous les soirs, 23h, 2h, et puis le dimanche soir, de 20h à minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et il y a plein de messages qui arrivent aussi. Il y a Adeline qui a envoyé un message sympa à la musique. Ouais, plutôt cool. Il y a Koubra qui dit elle est amoureuse d'un autre mec, ça c'est possible aussi. Et puis il y a Pénélope qui dit assure, envoie-moi le truc, nique ta mère. Oh putain, attends une seconde, faut que je le retrouve. Le nique ta mère, il est. Ah non, moi j'ai celui-là. Nique ta race. Ah bah non, c'est pas celui-là. Non. Alors attends, nique ta mère, où est-ce qu'il est celui-là? Faut que je le retrouve parce qu'il y en a tellement. Attends. C'est la petite mignonne là. Ouais, ouais, je sais. Ah voilà. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Voilà, parce que si tu niques ta mère et que tu sais pas pourquoi. Tu peux aller faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Voilà, il suffit d'aller évidemment le demander à Valentin, voilà Pénélope. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Eh ben voilà, et puis on salue les nouveaux aussi. Bah il y a les nouveaux, il y a les anciens hein, sur le Twitter, il y a GTR aussi, il y a Pierre qui est là, il y a une cut, il y a Léa, il y a Adeline, il y a Jean-Phi qui est là également. Oh, c'est Jean-Phi, Jean-Phi c'est, là, c'est cool cette musique. Bah ouais, exactement, t'as raison. Megumi qui est là évidemment comme chaque soir, il y a Mamzelle H, Ludovic bien sûr, il y a Morgan 88, il y a Tony bien entendu également, il y avait qui, il y a une cut, je l'avais déjà lu, et puis bah tous les autres, hein, Clem notamment aussi, Adeline et le nouveau aussi, il y a Jack qui vient d'arriver, il y a Denis qui est là également, et puis tous les autres, hein, M&M's bien sûr, et puis je vous rappelle que si vous me faites un follow sur le Twitter, eh bien je vous ferai un follow également, hein, comme Espedis qui va d'arriver, Jack comme je le disais, Nabiki que je viens de follower également, il y a Steve pareil, Jonathan pareil, Nanou pareil, et donc tous les autres, vous tapez M-I-K-L officiel sur le Twitter de l'émission, et bah, si vous me faites un follow, moi aussi je vous followerai avec grand plaisir. Voilà, je suis à jour, je vous attends pour tous les autres. Bon, retour maintenant avec Bilal qui nous avait appelé, il avait un problème avec sa copine. Bilal, t'es là? Ouais, je suis toujours là. Très bien. Et alors, on avait demandé l'avis de fille et nous avons donc Justine qui est avec nous maintenant de Bretagne. Il y a une Bretonne. Salut Justine. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah, ça va très bien toi. Attends une seconde, qu'est-ce qu'il y a, Taf? Bah, il faut savoir. Bah, oui. On va alors, savoir pour aller boire un verre de chouchène. Alors, oui, combien mesures-tu? Alors, 1m65. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Attends, je crois que j'entends la radio là. Non, non, je veux mais juste... coupe la radio, coupe la radio. Quel est ton tour de poitrine? Non, parce qu'elle est perturbée, il faut qu'elle ait coupé la radio. Elle comprend pas encore le système. Voilà. Attends deux secondes. Oh là là. Vas-y, à ton aise. On n'est jamais qu'en direct. Hein, ouais, rien de grave. C'est bon, ouais, c'est bon, désolé. Voilà. C'est rien, c'est attends, rien. Attends, je vais éteindre le four parce qu'il y a la soupe qui cuit. Ah, si on peut avoir un peu. Vas-y. Oui, pourquoi pas. Ouais. Pour la réchauffer. Allez, Polo est au top de la cuisine, hein, il faut quand même le savoir, c'est vrai. Un grand cuisinier, ouais, il va faire top chef l'année prochaine. Il a déjà fait toutes les inscriptions. Exactement. Mais bien sûr, il a bien raison, il a déjà fait toutes les inscriptions pour démarrer à Top Chef. Voilà, bonsoir, je suis là, Polo. Voilà, j'ai 22 ans et demi. Exactement. J'ai tout appris grâce à Toff. Et moi, j'arrive à faire les pieds de porc. Et c'est ça qui est bon, les pieds de porc. Avec une bonne petite vinaigrette, du persil, on est au top. Bon, merde, attends, parce que j'ai interrompu Toff du coup. Alors, ah oui, t'es où dans ces conneries là? Justine, quel est ton tour de poitrine? 85B. Quelle lettre? B. B comme bien. Comme bien, ouais. Bit. Ouais, comme bien. D'accord. On perd un peu en moyenne pour l'instant, c'est aujourd'hui. Mais c'est pas grave, attention. Non. Je dis pas que c'est pas bien, Justine, hein, mais je dis qu'on perd en moyenne. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Merde. Ah oui, bah t'en fais partie. Hein. Ah ouais, là je suis. Je suis déjà en Bretagne là. C'est ça. La Bretonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la Bretonne. Oh, bon alors très bien, alors attention Justine, tu nous avais appelé parce que toi, est-ce que t'as vécu la même chose que Bilal ou peut-être un conseil donné, je sais pas? Ben ouais, en fait moi je suis restée 3 ans avec un mec. Ouais. Et j'ai fait la planche pendant 3 ans, c'est génial. Hein? Et j'ai fait la planche pendant 3 ans, c'était génial. Ah non, quand même pas, non. Ah bon, d'accord, ok, bah alors vas-y. Non, mais du coup j'ai eu, enfin les deux premières années ça s'est passé super bien, mais bon après la troisième j'avais beaucoup moins de désir pour lui, et puis enfin on couchait presque plus quoi, et puis voilà, enfin en fait je l'aimais plus quoi, je me suis rendu compte que je l'aimais plus quoi, donc c'est pour ça que j'arrivais pas enfin à coucher avec lui quoi. Parce que tu l'aimais plus, ouais, mais d'accord, ok, parce que toi tu couches avec les mecs quand t'es amoureuse, etc. Bah, c'est-à-dire que, enfin bon, j'ai aussi beaucoup discuté à la fin, donc après, t'as plus vraiment envie de... Voilà. Ah voilà, mais c'est peut-être ça ton problème, hein, Bilal, hein, c'est peut-être qu'elle est plus amoureuse de toi, hein. Je sais pas, peut-être. Elle est peut-être habituée. Ouais. Elle est peut-être dans l'habitude, je sais pas. Attends, on va prendre Jennifer qui est avec nous, là, 27 ans. Ah bah encore une Bretonne, décidément. Ah, vive la Bretagne. On est encerclé, là. 27 ans, Jennifer, comment ça va, Jenny? Bah écoutez, ça va bien, je vous écoute, donc c'est cool. Ah bah voilà, bah écoute, on est content que tu sois là, donc ça fait plaisir aussi. Tant qu'à aller en Bretagne, surtout en scooter. Tu peux pas nous casser les couilles avec toutes les meufs qui passent. Bah si. Alors, Jennifer, combien mesures-tu? Je mesure 1m63. Combien pèses-tu? Ah ouf. Moi j'ai 65 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95B. Oui, et la taille de les pantalons que tu as acheté? 40. 40, ah oui, ça va encore. Ouais, ouais, toi, non, bah, ouais, bah, j'ai eu 3 enfants quand même. Hein, ah donc, ouais, à 27 ans quand même. Bah, l'avantage, c'est que ça glisse bien maintenant. Ah bah oui, merci. Merci, Toff. Quel c'est dégueulasse. Distingué, en fait. Ah ouais, il est très distingué, Toff. Hein, c'est un gentleman. Tu le savais pas, Jennifer? Oh bah si elle l'écoutait, on l'entend, on le c'est comprend ça, de suite. Hein. Bah, ouais. Même parfois, tu sais, quand je repense à ce que je viens de dire, je me dis que j'étais crado. Très, très crado, oui. Ah ouais, complètement même. Enfin bon. Bon, Jennifer, tu voulais donner un conseil aussi, toi, Bilal. Est-ce que toi aussi, t'as été déjà... Bah oui, planche. En fait, avec mon mari, alors, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et bah en oui, fait, mais c'est normal, après 10 piges... Non, mais c'est pareil. Faut changer maintenant, il y a un moment, faut passer à autre chose. Ouais, en fait, c'est arrivé il y a 4 ans de ça, où il ne m'attirait plus, on n'avait plus de relation. Ah, il ne te tirait plus? Non, il me tirait plus non plus. Ah, aussi, d'accord, ok. Et donc, en fait, ça, c'est dû à la naissance de ma fille que j'ai eue, en fait, parce que j'ai eu un traumatisme quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant. Et donc, de là, ça s'est répercuté sur ma vie sexuelle avec mon époux. Et donc, j'en ai parlé à du monde, j'étais voir quelqu'un, et donc, je me disais peut-être que sa copine, elle a eu quelque chose qui s'est passé et que tout lui remonte en pleine figure maintenant, quoi. Ah oui. Tu parles de l'éjac facial? En Toff, oh, putain. Oui, bien sûr. C'est dingue quand même. Ah, il est content, il a fait sa vanne, ça y est, je soutiens. Ah, il est fier. Merci, Polo. Merde de rien, Toff. Ah, il y a Tony qui dit Bilal offre-lui un bouillon de pénis. Ah, c'est l'idée. Non, c'est pour le mec, le bouillon de pénis. Ouais. Bien suivi. Ah ouais. Est-ce que Toff a un sexe qui a une odeur de poisson? Oh, c'est pire que ça, antilope. Ça dépend des jours et de où il a traîné. C'est ça. Et le principe qui dit parfois dans la journée, j'ai le générique de la fin de l'émission en tête et je me mets à sourire toute seule. Tout va bien. Ouais, mais t'inquiète pas, on le chante avec Polo aussi dans les couloirs de Fun. Stéphanie qui dit 90C, je suis dans la moyenne. Yes. Oui, effectivement. Quoique la moyenne est en train de descendre pour l'instant. Et alors, il y a Ted qui dit quand j'ai entendu Justine, j'ai été voir dans la chambre direct, j'ai cru que c'était la mienne. Petit flip quand même au passage. Oh, il faut pas Ted, t'inquiète. Et M&M's qui dit je veux un coup de pelle s'il te plaît, avec plaisir. Tiens dans la gueule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ah, la moyenne remonte. Et Elodie qui dit 1m63, 50 kg, 95C, blonde aux yeux bleus. Ah, ah oui, mais alors là. Alors là. Merde. Ouais, c'est ça un peu. Ah, excusez-moi, j'ai des moufles depuis tout à l'heure. Voilà, merci Elodie d'être passée en tout cas. Donc Jennifer, mais est-ce que t'as eu aussi le même truc est-ce que ton mari a eu le même problème? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui se le disent, surtout les machos, parce que c'est clairement les machos qui se le disent. Mais tu sais, à partir du moment où t'as eu un gosse avec une meuf, ou plusieurs gosses avec une meuf, t'as tendance à vouloir, je dis pas que c'est mon cas, de toute façon je suis pas macho, mais surtout pour les machos, par exemple pour Polo, qui va peut-être dire, enfin qui va pas peut-être, qui va le dire le jour où il aura des moutards, ouais bah moi je vais me faire sucer ailleurs. Parce qu'il n'est pas question que la mère de mes enfants, celle qui embrasse mes enfants, me suce la bite. Non, ouais. C'est pas de moi, c'est dans Mafia Blues. Non mais. Mais c'est vrai, non, c'est, mais vrai c'est vrai, c'est dégueulasse. Bien sûr que tu cautionnes. Voilà. C'est dégueulasse. Comment c'est dégueulasse? Avant on n'en parlait pas spécialement et maintenant, à force de se connaître, on essaye plusieurs choses. Hein, donc, sur nous, on est ouvert sur tout en fait. Donc, on fait tout. Hein, il est pas macho en plus. Donc, d'accord, donc il ne dit pas non, il n'est pas question que tu me suces parce qu'après tu vas aller embrasser nos enfants, c'est dégueulasse. Non, non, c'est plutôt le contraire quoi. Donc, De quoi? Qu'il veut que tu ailles embrasser tes enfants en te suçant? Parce que c'est dégueulasse. Hein. Non, qu'on ait des relations normales et que je fasse des fellations, quoi. Ah, il regarde okay. pas. Mais t'as trois enfants, tu t'es passé là, c'est bon, arrête. Alors j'ai trois enfants. Bah, justement, maintenant, on s'éclate. Ouais. Ouais, non, mais d'accord, ok, très bien. Maintenant, pour que ça serre, elle est obligée de passer par derrière. Oui. Oh merde, Toff, c'est quand même exceptionnel ça. Je cautionne. Parce que 10 personnes n'y est passé par derrière, c'est pour ça. Toff, tu serais bien étonné, t'inquiète pas qu'il y a déjà eu du monde. Hein. Je te rappelle qu'il est recto verso. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr qu'il est recto verso. Attends, il y a Morgane qui est de retour avec nous. Là, Morgane, on t'a déjà eu tout à l'heure, toi, non? Oui, oui, c'est moi, c'est toujours moi. Très bien, bon bah 21 ans toujours Morgane, t'as pas vieilli depuis ? Non, non. Bon, très bien. Et alors un conseil aussi à donner à Bilal, est-ce que toi aussi t'as déjà fait la planche Morgane ? Alors, ben oui. Mais moi-même, je suis une planche actuellement. Non, actuellement, quand même pas. Je suis à nouveau. Non, c'est juste que, passé un temps, j'avais vraiment le stress du boulot. Enfin, comme je travaille de nuit et tout, ça me stressait. J'avais le corps qui était fatigué et tout. Et franchement, je n'avais mais vraiment plus aucun désir pour mon copain pendant un bon moment. Et ouais, du coup, lui, il a été voir ailleurs. Non, il a non. Enfin, toi, c'est vraiment le pas, mec dis-moi. Qui est très fidèle, le problème. Ah ouais, d'accord, ok. Enfin, tu sais pas quoi en fait. Oui, voilà. Donc du coup, il s'est misé le poignet. Du coup, il a pas tenté. Ouais. D'accord. Donc du coup, il a fallu qu'il patiente, mais ça a été très dur quand même. Hein, bah, oui, bah surtout pour lui. Ah bah ça, je te confirme que après un certain temps, le truc, il était dur comme du béton. Hein. Ah ben, bah, on l'a fait la poutre. Hein, ah ouais, mieux que le Viagra. Ah oui, c'est sûr que de se retenir à force, ça. Et en fait, il t'a démonté le mur après quand il a terminé. Non, quand même pas. Hein, est-ce qu'il a repeint le plafond Non, quand même pas. Non, quand même pas, bon, bah ça va. Non, il utilisait sa main. Ah oui, d'accord, mais il vaut mieux. Elle est obligée, hein, parce que mais sinon. Mais rassurez-vous, pour ceux qui se posent la question, effectivement, quand vous n'utilisez pas le matériel pendant un certain temps, il y a un trop-plein, comme dans l'évier. Ça se, oui, ça, mais la nature est bien faite, donc voilà. Ça sort comme ça. Exactement, donc comme vous, ah, bah, vous avez le l'évier, bah, vous mettez de l'eau il y a un moment, bah, si vous laissez couler l'eau non-stop, ça ne débordera pas, normalement, ça va passer par un petit trou. Exactement. Et bah, c'est pareil chez les mecs, bah, il y a un moment, quand les bourses sont pleines, il y a le trop-plein. Les bourses ne pètent pas ou ça ne grossit pas. Non. C'est juste qu'il y a le trop-plein et ça s'en va. Et pollution nocturne quand t'es éjaculé dans la nuit. Puis, exactement. Et bah des fois quand tu vas pour pisser, bah ça sort. Ça sort. C'est comme ça tout simplement. Ah tof. Oh, bah, les pollutions nocturnes, tof, ça lui arrive souvent, je pense. Oh là là, bah toutes en les tout nuits. Cas, à l'époque. Ah, toutes les nuits. Ah bah oui. Ah carrément. Ah bah c'est. Ah bah d'accord. J'ai pas d'activité en ce moment. Non, bah ouais, effectivement. Ouais. Et il y a Pierre qui dit, allez, on lui demande en cœur un coup de lance-flamme sur Polo. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a plus pris un, lui. J'ai pas eu mon message de bienvenue, moi. T'as pas eu de message de bienvenue, Justine, comment ça? Bah non. Non, t'es sûre que t'en veux, hein? Mais si, elle est bonne. Ouais, non, mais ça, c'est pas un message de bienvenue, ça, c'est juste... une constatation. Juste... Ouais, c'est une constatation, effectivement, ouais. T'es sûre que tu veux un message de bienvenue? Ouais. Tu vas pas venir après pleurer, hein? Ah non, bah non, après ce qui m'arrive, de toute façon... D'accord. Va te faire enculer, salope. Voilà. T'es contente? Oui, merci. Ah, c'est toi qui l'as voulu, hein. Je t'ai demandé, on espère sûr. Que ça t'a fait plaisir. Voilà, je t'ai demandé si t'étais sûr, tu m'as dit ouais, pas de problème. T'inquiète, ça fait plaisir. Bon, bah alors très bien. Bon, les filles, est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux d'appeler la copine de Bilal pour piercer l'abcès? Ah oui, moi. Oui, il faut qu'il ait ça au clair, hein. Ah oui, il faut qu'il sache, hein. Ouais, c'est dedans. Bon, attends, alors avant, il y a Michel de Bruxelles qui est avec nous, 18 ans. Salut Michel! Salut. Comment ça va? Ah, une fille. Bien, vous. Ah bon, ça va. J'ai eu peur, je croyais que c'était un mec. Je me dis, ah non, on va pas s'emmerder avec des mecs, oui. Là, ça prend trop de place. Combien mesure Michel? Ça faisait longtemps. 1m68. Combien pèse Michel? 54. Quel est le tour de poitrine de Michel? 75C. Et quelle est la taille du dernier pantalon que Michel a acheté? 36. Ah oui. Là c'est petit tour de poitrine mais gros bonnet. Ah oui, là c'est... Ah non, on en a pour le volume, hein. C'est-à-dire que tu vois d'abord les seins puis le reste, hein. Ouais, grosso modo c'est un petit peu ça. Bon, enfin bon, bref. Bon, sinon Michel, tu n'appelais pas pour ça à la base. Bah non. Je rappelle que maintenant ça y est, c'est fait. Tu es donc noté dans le carnet de Tof, hein. Oui. D'ailleurs demain je mettrai une photo du de carnet, mon carnet. Oui. Quoi, avec toutes tes notes? Mon petit carnet rouge. Quel connard. Bon allez Michel, tu voulais donner un conseil avant qu'on appelle la copine de Bilal? Oui. Bon bah on t'écoute, bienvenue à toi Michel. Ben en fait ça m'est arrivé presque la même chose avec mon copain. Et dernièrement je voulais pas. Alors attends. Est-ce qu'il y en a une qui a la radio allumée derrière? Ah non, pas moi. Mouais. Non, c'est vrai. J'ai entendu un petit peu d'écho comme ça, je me dis bon. Alors vas-y Michel, excuse-moi, ça doit être ma tête, je dois devenir fou. Pas grave. Ouais, si elle confirme. Bon, vas-y Michel. Bon, en fait, ça m'est arrivé presque la même chose avec mon copain il y a pas longtemps. Et je voulais pas continuer à faire des trucs avec lui, donc... Enfin, je l'aime, donc j'ai cherché quelques manières de... Enfin, d'échanger les trucs, alors... T'es brésilienne? Non, espagnole. Ah d'accord. Ah bah casse-toi, au revoir. Je plaisante. Oh, c'est pour rire, c'est la guéguerre avec les entre les Portugais et les mangeurs de churros, voilà, c'est pas rien de grave. Moi, je suis moitié colombienne, moitié espagnole. Ah là, d'accord. Dis, tu viens d'où en Colombie? Cali. Parfait. T'as encore la famille là? Non, parce que si on irait bien passer des vacances, là, on savait pas très bien où aller. Bon, enfin bon, je m'égare. Bon, c'est bien, il faut danser la salsa, quoi. Ben oui, bien sûr, vous voyez. Bon, et donc du coup, Michel, alors, donc, est-ce qu'il faut appeler ou pas la meuf? Oui, parler avec elle. Ouais. Mais moi, j'ai commencé à acheter des costumes des policiers, Ah oui. Comme ça. Ouais. Pour changer les trucs, quoi. Et une petite colombienne avec les mensurations qu'elle a en police. Je pense que toi, tu peux se faire arrêter plusieurs fois dans la journée. Hein. Voilà, je reviendrai pour me faire arrêter. Voilà, et se faire maltraiter, il roulera exprès sans ceinture, bourré, en excès de vitesse, voilà. Avec un phare cassé, enfin bref, avec tout quoi. Oh là là, totale. La totale. Bon, et donc du coup, ça a fonctionné après, Michel? J'allais t'appeler Cali. Ça oui, a fonctionné. On a changé la routine, voilà, ça a commencé à évolutionner, voilà, c'est mieux quoi. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, Bilal. Ouais. Bon, je pense qu'il va falloir téléphoner là. Hein. Ouais, oui, vas-y. Allez. Bah oui, en plus tu es en tour. La commerce. Justine, c'est la vicieuse, elle veut juste savoir ce qui se passe. Hein, qu'est-ce qu'elle va dire? Bon, écoute, on va l'appeler dans un instant, le temps d'écouter Alesso et Calvin Harris, le nouveau, d'accord les filles? D'accord. Bon, et vous restez toutes là, les filles, on va appeler Bilal, ta copine, juste après ça, d'accord? Ok, ouais. Bon, allez, c'est parti, ne bougez pas, c'est Alesso et Calvin Harris qu'on écoute maintenant. C'est Under Control sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, il est 1h39, c'est Mickaël No Limite sans pub jusqu'à 2h du mat. Oui, mais c'est pas ce son là que je devais mettre, c'est celui-là. Voilà, ça va mieux là. Alesso et Calvin Harris, un son que vous découvrez ce moment sur Fun Radio, c'est Under Control. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Et il y a Mélanie qui lit sur cette musique, je vais dormir, bonne nuit toute l'équipe. Ah bah non Mélanie, il reste 20 minutes mais là, oui, tu vas c'est nul, le générique, ça. Le top tweeto, c'est tout là. Non franchement, non, ça c'est nul ça. Bah oui, il y a Lilou qui dit pet chat mort de rire. Et Pierre qui dit allez on lui demande en cœur un coup. Ah oui je l'ai déjà lu, je l'ai autant pour moi le coup de lance-lame sur la tête de Toff et ah Antilope qui a une bonne question. Est-ce que Toff a déjà eu son sexe coincé dans un magnétoscope? Non. Ah, c'est, mais c'est, je n'ai jamais tenté cette expérience. C'est plutôt étonnant. Mais si vous me ramenez un magnétoscope, je peux le tenter. Bah et oui, bah ce serait une bonne idée effectivement. Il faut se mais trouver, c'est hein. Plutôt étonnant. Oui, c'est vrai qu'il faut encore arriver à mettre la main dessus, ça c'est clair. Je vous cale dans un instant le son de Both avec Both. Je vous l'avais promis, on va se le mettre dans quelques minutes. Il est où celui-là? Il est là, tiens. Vous aimez ça, Both, les filles? Ouais, ça va. Oui, ouais, ça va. Non, mais si vous pouvez me dire merde, hein, si vous voulez, ça me dérange pas. Hein. Ouais, il y a mieux, quoi. Bon, bon, c'est quoi ton son préféré de Jennifer, hein, celui, le morceau que tu kiffes, là, à ce moment? Oh, putain, alors moi et la musique, ça fait voilà, ça se la ramène et après, on peut pas donner un nom. Bon, mais Justine. Non, c'est clair. C'est quoi ton son préféré, Justine? Moi, je suis à fond sur War Beach de Britney, là. D'accord, Morgane? Bon, en ce moment, c'est plus Stromae entre Papa Oté et tout. D'accord, et Michel? Ah, c'est pas mal, ouais. Des trucs latino, Daddy Yankee et comme ça. Oh putain, mais là, vous m'aidez pas, il n'y a pas une qui est d'accord avec l'autre. Bon, bah alors je vais trancher, on mettra Bows. Bon. Ouais, moi je suis d'accord. Mais oui, mais bon, il n'y a pas une qui est d'accord avec l'autre. Moi je trouve que Mickaël a toujours de très bons choix. Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai? Mais oui. Mais voilà, tout simplement. Bon, alors, c'est parti. Dans un instant, on appelle la copine de Bilal. Avant ça, on fait encore un petit appel avec oui. Toff. Oui, ça fait longtemps. Je n'ai pas été beaucoup insulté aujourd'hui. Bah, c'est ça, en fait, je suis un petit peu inquiet à ce niveau-là d'ailleurs. Ouais. Bon, je rappelle qu'il y a un restaurateur chinois qui a décidé. Qui a trouvé que on était meilleur sexuellement quand on mangeait du bouillon de pénis. Oui. Alors qu'il a mélangé le pénis de plusieurs animaux, il en a fait un bouillon et il le vend 200$ hein, quand même le bâtard. C'est un bon bouillon. Ah ouais, c'est un bon prix surtout. Hein. Bon, alors on y va, on l'appelle un mec maintenant, quelqu'un qui nous a donné les numéros de téléphone. Alors c'est parti, restez là les filles, hein, on vous reprend après. Hein. Okay. Bougez pas. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais vous faire goûter mon bouillon de pénis. Bah, c'est gentil, merci. Bah, je vous en prie. Hein, donc au c'est... revoir. Bah, attendez, monsieur. Oh, bah, merde. Attends, on s'est fait raccrocher au nez, là. On va rappeler. Alors, là, on va rappeler. Mort, non, bah, attends. Non, je pense qu'on peut faire autre chose. Mais c'est ça. Bon, attends, on rappelle. Bouge pas. Enfin, bougez pas. Allez, c'est reparti. On va pas se faire chier, hein. pour être gentil quand même, on lui propose d'être meilleur au lit. Ah. Oui. Oui. Bah, non, parce qu'on a été coupé, monsieur, j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Bah oui, j'ai bien compris, oui. Bah voilà. Non, parce qu'en fait, c'est une soupe que je fais à base de phallus et de testicules d'âne, de bouc, de chien, de taureau et de cerf. Oui. Voilà. Et après, ça va vous permettre d'avoir une meilleure sexualité, monsieur. Hein. Vous allez être beaucoup plus épanoui. Bah, j'imagine bien, oui. Voilà. Hein, donc, c'est pour ça que je voulais vous faire goûter, pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Oui. Voilà. Et ça passe par où, par contre? Ben ça s'avale, monsieur, hein. Ça, c'est un bouillon, hein. Donc ça se mange. Non, mais j'imagine bien, mais à travers le téléphone, parce que... Ah non, mais je me déplace, oui. Je viens chez vous, monsieur. Je crois pas, non. Bah ben pourquoi, monsieur? Vous voulez pas goûter ma bonne soupe de bite? Pour l'instant, non. Je suis en train de regarder un fin de film. Donc, d'accord, mais... Ça m'intéresse pas. Peut-être que je peux passer demain. Dans une demi-heure, oui, peut-être, ouais. Ah, dans une demi-heure, alors ça vous arrange, ouais. Bon, ouais. Bah, si vous voulez, je passe dans une demi-heure, moi, y a pas de problème. Y a pas de souci. Bon, bah, à tout à l'heure, alors, monsieur. Ben, j'espère. Bah, nous comptez sur moi, monsieur. Ben, j'espère bien. Allez, une demi-heure, on l'a dit, hein. Oui. Allez. À tout à l'heure. Ouais, salut. Eh ben voilà les filles, hein, il n'y avait pas une qui croyait là. Wow. Alors, chapeau, franchement, hein, bravo. C'est qui le patron? Il a géré. Ah, voilà, exactement. Oui, qui m'appelle? Justine. Oui, Justine. J'ai un numéro à te donner. Ah, alors vas-y, attends, je te passe Sandro, on va prendre le numéro, on va l'appeler. T'es sûr qu'il ou elle est debout à cette heure-ci? Je pense qu'il va répondre, oui. Bah, c'est qui? Bah, c'est mon père. Ah, bah très bien, parfait. Très bien. Ah, bah parfait, comme ça t'offre pour lui demander ta main. Ça, c'est bon. Ça. Mais vous dites pas que c'est Justine, là? Non, bien sûr, t'inquiète pas. Tu nous serons discrets. Hey, Justine, réfléchis bien. t'inquiète pas. Bon, Bilal, parlons de choses sérieuses là. Je te renvoie au standard, ouais. Justine, pour que Sandro prenne le numéro de téléphone à appeler. On va appeler ta copine maintenant, Bilal. Tu lui parles, je lui parle. Tu veux qu'on fasse comment? Nous lui parlons. Je sais pas si c'est mieux que je lui parle au début. Bah, moi je pense que c'est mieux que tu lui parles, en effet. Ouais. Ça sera peut-être moins drôle, mais c'est mieux que tu lui parles. Vas-y, ok. Bon, allez, vas-y, Bilal. C'est la radio? Peut-être pas au début. Alors, Jennifer, Morgane, Michel. Oui. Si vous étiez à la place de la fille qu'on va appeler, est-ce que vous préfériez que votre mec vous appelle en disant « Ok, voilà, on est en direct à la radio et je t'appelle pour ça » ou plutôt... Non, au début, déjà à la fin, quoi. Alors, attendez. Jennifer, après, Justine, il faut lui dire avant ou il faut lui dire après qu'on est sur fun? Pendant. Merci Justine. Morgane? Moi franchement je préférais qu'on me dise où je suis avant. Hein. Ah ouais. Et toi Michel? Ouais, après à la fin. Ah putain, 2 et 2. Vous êtes relou. Ah ouais, vous êtes bien des filles là. Oh là là. Non, mais, peut-être pas à la fin, mais pas de suite quand il l'appelle, quoi. Il lui parle un petit peu et Mais quelle idée. Il lui dit qu'il lui demandait des conseils et qu'il est sur fun, quoi. Bon, quelle idée d'avoir un nombre de filles paires dans le standard. C'était sûr que ça allait arriver, ça. Eh ben, vous vouliez des gonzesses, hein. Donc maintenant... Ouais, mais on aurait dû en avoir une cinquième. Ça nous aurait permis de trancher, tu vois. Ou alors la cinquième leur a dit, je sais pas. Voilà. Juste à emmerder le monde. Bon, hashtag et Mickaël, les autres, allez-y. Dites-nous, est-ce que vous préfériez qu'on... si vous étiez à la place de la fille qu'on va appeler, vous préférez qu'on vous dise dès le début... On est sur Fun Radio et je t'appelle pour ce problème, ou alors blablabla faire style, vous êtes tous les deux au téléphone et en fait à la fin dire ou même au milieu, peu importe, que vous êtes à la radio. Voilà, hashtag et Mickaël, vous nous dites maintenant, mesdemoiselles, allez-y. Il y a Megumi qui dit c'est dégueulasse. Attends, c'est quoi? Toff a cuisiné une soupe et personne veut y goûter. Oui, c'est pas bien. Hein. C'est pas sympa. Il a qu'à venir la bouffer. Bah, au début, déjà, tu vas s'énerver. Bah, c'est ça. Bon, alors attends. Bon, on y va, Bilal. Ouais. Apparemment, il vaut mieux lui dire, mais sur le fil de la conversation, et pas lui dire dès le début. Voilà, c'est ce que les filles. Bah non, elle va se bloquer, elle va rien dire. Ouais, oui. Peut-être qu'elle va. Note, elle est bloquée depuis un petit bout de temps, bref, visiblement. Ouais, mais bon, voilà quoi. Bon, faut pas la bloquer totalement. Est-ce que je prépare une musique des fois que tout aille bien? Ah oui, une musique romantique. Oh bah oui, des fois que ça marche, on pourrait démarrer là-dessus. Oh, ah oui, ouais. Tu vois, des fois que. C'est quoi ce métier? Bah attends, c'est Only You. Tu connais pas les Platters? C'est Kitsch. Ah oui, c'est Kitsch. Attends, tu veux, j'ai ça. Ah, c'est bien mieux. T'es sérieuse? Tu préfères Johnny Hallyday? Ah non, ouais. Ouais. Oh putain, on est pas dans la merde, hein. Bon. Elle va faire la muette aussi, là. Elle va faire la muette. Quand tes cheveux s'étalent. Bah, dis-lui ça. Voilà, tu répètes tout ça. Surtout le chant de blé, écoute bien. L'ombre et la lumière. Dessine sur ton corps. Voilà, l'ombre et la lumière, le champ de blé, tu mélanges de tout, et puis tu dis que je t'aime et je vais te baiser ce soir, et puis voilà. Il fait pas la planche. Voilà, et il fait pas la planche ce soir. Et alors tu dis without planche, ok, comme ça. Ok. Vas-y, ouais. Bon, allez, vas-y, mec, hein, on croit en toi, Bilal. Hein. Allez, les filles, encouragez-le, là. Allez, allez, courage. Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal, Bilal. Allez, on y va, c'est parti. On est mal. Ah ouais, là on est bien dans la merde. Bon, les filles, je vous mets je vous mets en muette, hein, pendant qu'on l'appelle, hein, pour pas que vous commenciez à rigoler, parce que je vous connais. Hein. Hein, elles vont sortir leurs commentaires là. Oh mais qu'est-ce qu'il est con, pourquoi il dit ça comme ça? Oh la salope, alors t'as vu ça? Et ça va nous tuer le délire. Ouais, non mais c'est vrai que ça risque, hein, donc mais justement, pas. Donc je vous reprends juste après, les filles. C'est bien de dire ça. Je vous reprends juste après. Ouais, les filles, il y a plusieurs, c'est bien. Bon, Jenny, Justine, Morgane, bougez pas. Ouais, c'est parti, Bilal. Merci. On l'appelle, vas-y, mec, hein. Montre. Votre correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Donc là, on est bien. Là, heureusement, on a un deuxième numéro. Et là, ça va être pareil. On aura fait tout ça pour rien. Alors, attention. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Bravo. Ah là, ouais, là, bravo. Là on est bien parce qu'on a quand même bien teasé depuis le début et au final il s'est passé quoi? Eh bien c'est un échec total. Merci Bilal. Bon, bon Bilal. Non, sinon si vous voulez faire un truc de ouf, mais là c'est vraiment un truc de ouf et après c'est moi, je reste de niquer mon plan. On appelle son frère, lui c'est sûr il est réveillé, mais je peux pas lui dire ta soeur a fait la planche. Ouais. Mais non, tu peux lui demander sa soeur au téléphone. Tu lui dis elle répond pas, que t'as quelque chose d'important à lui dire. Ouais, ouais, mais et, ils sont ensemble, là, les frères et sœurs? Oh, je sais pas, peut-être, il y a des chances. Bah, t'essayes, tu lui dis rien, lui, tu lui dis juste, faut que je parle à ta sœur, j'arrive pas à la joindre. Bon, Bilal, attends, je te repasse chez Sandro, on prend le numéro du frère, on sait jamais. Ah, mais t'imagines, il appelle, il dit, au fait, bon, ta sœur, elle fait la planche. Ouais, mais c'est ça. Il vient lui dire ça, il lui dit qu'il a quelque chose à lui dire. Mais oui, mais voilà. C'est urgent. Bien sûr. Bon, attends, on va refaire un sondage. Bon, Jennifer, est-ce qu'il faut qu'on essaye d'appeler via le frère? Bah oui, c'est clair. Justine? Oui. Oui, alors les deux autres vont dire non. Morgane? Bah ouais, c'est vrai. Ah, quand même. Et Michel? Ok, oui. Oh là là, 4 sur 4. Waouh, pas mal. Allez, musique de 4 sur 4. Ah non, je me suis trompé, c'est pas celui que je voulais mettre. Oh, bon, quoi qu'un petit cravite, pourquoi pas. Ouais, c'est bon ça. Ça fait toujours du bien par où ça passe. Hein. Tiens, il y a Mélanie en Bretagne aussi là. De quoi? C'est qui est de Bretagne aussi? C'est Justine. Ah, c'est pour ça qu'on est toujours pareil et qu'on dit toujours. Oui, bah ça doit être ça, oui. Vous avez un cerveau pour toute la Bretagne, c'est ça. Et il y a Mélanie qui dit j'allais dormir, mais toute l'équipe dit de rester, donc bon. Ah bah voilà, Mélanie, ça c'est bon ça. Megumi qui dit bon, puisque Toff et Mickaël se foutent de mes mensurations, je vais demander ce qu'en pense Valentin. Bah non, Megumi, elle t'a donné des mensurations, Toff? Pas que je sache. Ah bah écoute, remets-les, Megumi, on l'a pas vu. Et Mélanie, ce qu'il dit aussi, mort de rire, le père va péter un câble. Et Stéphanini qui dit ça passe par où? C'est une soupe en suppôt de con. Et Pierre qui dit top tendance en France et 4e du TT national. Bah merci en tout cas pour tous vos messages sur le Twitter. Et puis Stéphanie qui dit vous aimez Boss les filles? Et moi je réponds comme une conne tout seul chez moi, je réponds oui. Ouais, mais quand je dis les filles, c'est vrai que je pose la question à tout le monde, hein. Bon, Bilal. Ouais. Bon, on a le numéro du frère là, on va l'appeler, demande uniquement à parler à ta copine, hein, qui s'appelle comment? Sarah. Sarah, demande à parler à Sarah, si elle est pas là, c'est pas grave, on lâche l'affaire, on rappellera demain au pire. Ok? Ok. Bon allez, c'est parti, on y va, on rappelle. Les filles, je vous mets en mute. Ok. Hop là, c'est parti. Ah, oh, mais il fait plus calme tout de suite. C'est toujours plus agréable. Hein. Allô. Allô. Ouais, je suis cool, quoi. Ça roupille. Ah oui, là, il dort. Ah oui. C'est Bilal. Poteau, dis-moi, tu peux me passer ta rose? Parce que j'ai essayé de l'appeler, là. Elle m'a répondu pas à ça. Putain, j'en ai rêvé. Mec, 2h du mat, quoi. J'en ai rêvé. T'es rêvé? Je pense qu'il serait plus difficile d'appeler demain. Si on veut pas de problème, c'est mieux. On se croit dans un film d'horreur. Mais dis-moi, Sarah, elle est là ou pas? Elle dort. Comme toi, il est 1h54. Au moins, il regarde, il a le réveil à côté de lui, c'est sûr. On va passer vite fait, c'est urgent, il faut que je lui parle. Mais je vois qu'elle se fait dans mon lit. Elle est à l'autre bout de la maison, là, je casse pas les plombs. Ah ouais, non, mais franchement, là, c'est important, parce qu'il y a un petit souci, tu vois, il faut que je lui parle sérieux. Bah, il s'en branle, il t'a raccroché au nez, Bilal. Je crois qu'il veut roupiller, là. Faut que je lui parle sérieux. Je crois bon. Que tu attendras demain. Hein. Ouais, bah écoute, Bilal. Bon, Bilal, ce que je te propose, c'est qu'on recommence demain en essayant de la joindre, mais genre plus tôt dans la soirée, quoi. Vas-y, on essaie plus tôt. On va plutôt faire ça, hein. D'accord, les filles. Alors, Jennifer, on va faire un sondage, okay. Comme d'habitude. Justine. Ouais, c'est mieux. Morgane. Ouais, c'est sûr, mais vaut mieux. Michel. Ok. Waouh. Putain, tout d'accord. Eh, deux fois de suite, dis donc, je suis sur le cul là, c'est pas mal. C'est pas fabuleux ça? Eh, c'est beau, c'est très beau, c'est très beau. Bon, et si vous restiez là, on va appeler le père de Justine, tiens. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire à son père en fait? Bah, elle veut le faire chier. Le pénis. Voilà, elle veut le faire chier à propos, du bouillon de pénis là. Bon, ah, okay. Bon bah on y va alors, hein. Toff, t'es prêt là? Oui. Bien sûr, je suis prêt. Allez, c'est parti. Eh, j'espère que ça va décrocher. Hein. Allez, et parlez pas les filles, hein. Vous êtes à l'antenne. Hein. Donc chut, taisez-vous. Ouais, mais à cette heure-ci. Juste. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Qui est à l'appareil? Oui, c'est Toff à l'appareil monsieur. Je vous appelle parce que je voulais vous faire goûter mon nouveau bouillon de pénis. Allô monsieur? Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Ah ouais, tout direct dedans. Ah ouais, ah ouais, non, il est bien. Ah, il est pas mal, Justine, merci. Ah bah Toff, il était triste, il s'est pas fait enculer encore toute la soirée. On rappelle. Taisez-vous les filles, vous êtes à l'antenne. Tu es enculé, toi. Ah, il est bien celui-là, il est bien. Oh mon dieu. Justine, il déboîte ton enculé, père. Ah ouais, ton père, il est au top, hein. Je lui en mets un petit coup encore. Allez, on rappelle. Attendez les filles, on rappelle. Oui, allô? Oui, excusez-moi monsieur, mais je n'ai pas eu le temps de vous présenter la soupe. Allô monsieur? Est-ce que je peux vous présenter ma soupe de bite? Ah, je crois qu'il a raccroché. Ah ouais, non, je crois qu'il a raccroché. Ouais, on en remet une dernière, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Je vous ai pas présenté là. Oui, excusez-moi monsieur. Ah non, c'est fini là, on n'arrivera plus. Mais, ah on bah, va, mais on va le garder pour demain. Ah bah oui, on va le garder. Elle commence une vendue, Justine. Ah bah ouais, Justine. Oui. Tu sais, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais. Hein. Oh, c'est énorme. Moi, je sais, mais en même temps, je lui dois bien ça. Va te renculer, salope. Je lui dois bien ça. Bravo, je lui Justine. Dois bien ça, ouais. Bon, bah, très bien. Et si vous connaissez les gens comme ceux-là. Ta gueule, connard. Ta gueule, fils de pute. Enculé de ta mère. Ah, ouais. Ta mère qui a un grand clitoris, toi. Ouais. T'as mis au mot, t'as un clitoris sur ton front, connard. Espèce d'enculé, tu espèce d'enculé des... Eh, hey, n'hésitez bon. Pas si vous voulez faire chez vos parents. Ah oui, sans problème, hein, sans problème. Moi, vous... ça serait mon mari que je ferais bien demain. Ah, avec plaisir, Jennifer. Attends une seconde, on va prendre le numéro. Eh, hey, tu veux pas faire un petit chéri, je peux te faire cocu, Jennifer? Bon, pas maintenant, mais on pourrait le faire la semaine prochaine ou éventuellement un exceptionnel dans la semaine pour gagner un écran plan en plus, Jennifer. Ouais, les filles. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Ça pourrait être pas mal. Tu veux foutre la vie de tes enfants, toi. Mais non, Bilal, après on lui file un cadeau, des grands plats, et on lui dit après que c'est une Bilal. Ah ouais, bah oui, après je lui dirai. Hein, mais évidemment, on va lui dire en direct à l'antenne, t'inquiète pas, Jennifer. Bon, yeah. Écoute, on va prendre tes coordonnées, on va faire ça, t'inquiète pas. Bon, bah okay. Jennifer, en tout cas, merci beaucoup d'être passé, Justine, Morgane, Michel. C'était un plaisir de vous avoir, les filles. Eh bah, nous aussi. Nous aussi, c'est un plaisir. Eh bah, c'est gentil, gros bisous. Ouais. Ouais, Michel. Moi, je vous écoute. Moi, j'aimerais bien un jour... faire une blague comme ça à mon copain, je sais qu'il va péter un câble. Avec plaisir, hein, Michel. Et eh ben là aussi on va te mettre dans le chéri, je peux te faire cocu, je pense que ça peut être drôle. Je peux te faire cocu, putain, il va me tuer. Mais non, t'inquiète pas Jennifer, t'inquiète pas. Bon ben Michel et Jennifer, pour le chéri, je peux te faire cocu, je te repasse Sandro. Enfin, okay, je vous repasse d'accord. Sandro. Et je vous fais des gros bisous les filles. Bisous, salut. Salut, merci d'être passé. Je vous en. Allez, oh, les filles. Oui. Jennifer, t'es heureuse sexuellement? Ah ouais. Ah. J'épanouis. Justine, t'es heureuse sexuellement? Bah écoute, j'ai fait un plan à trois vendredi soir, donc oui. Ah ouais, t'es heureuse, tranquille, ouais. Non, bah alors tout va bien. Ouais, alors tout va bien. Morgane, t'es heureuse sexuellement? Ah oui, moi, y a pas de souci. Et Michel? Bof. Bof. Bon, ben on va t'offrir un, on va t'offrir un sextoy. Alors les nouveaux, les Zippy Bunny. Cool. Ziggy Bunny. Ziggy Bunny, pardon, exactement. Ouais. Donc on va t'offrir ça, Michel, comme ça tu ne seras plus seul. Grâce à passagedudésir.fr. Okay, cool, exactement. Ah ouais, alors et comme nous on est heureux, on n'y a pas le droit. Exactement, tu as tout compris. Vous avez déjà un gros sexe à la maison. Attends, t'en as déjà un naturel? Bah oui, mais nous on fait des jeux, merde. Eh bah ouais, bah tant pis, il fallait dire que vous étiez pas heureux en sexe, tout simplement. Bah en fait, je suis pas heureux sexuellement. Bon, alors. Viens ouais, avec Toff, ouais. Avec Toff. Bon, c'est qui a fait un plan à 3 vendredi? C'est Justine. Bah Justine, je peux revenir pour un autre plan à 3. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Y a pas de soucis, je t'attends. Ne chauffe pas comme ça, Justine. Tu vas voir le petit zizi de Toff, ça va être horrible. Donc, c'est pour faire, je te rappelle. Ah ouais, souviens-toi ton père. Et le père, il a dit, il va te faire enculer, Toff. Donc ça commence mal avec le bon père. Très bien, Justine. Je me ferai enculer avec plaisir. Faudrait quoi? Faudrait le rappeler demain assez tôt. Non, mais t'inquiète pas, on va le rappeler demain assez tôt. T'inquiète pas, Justine. Tu vas voir, demain, on va faire la soirée avec lui, tu vas voir. Ok. T'as le numéro, Toff, t'as gardé? Bien sûr, j'ai gardé le numéro. Et pour le plan 3, donc toph@funradio.fr. Non, arrête ton cinéma. Bon, ben gros bisous, les filles, je vous embrasse. Bisous. Ciao. Michael, oui, les filles. Tu pourrais avoir un petit pack fun? Un petit pack fun? Oui. Ah ouais, moi aussi, hein. Bon, ben, ça y est, c'est parti, alors. Est-ce que vous connaissez le générique de l'émission? Est-ce que vous connaissez le générique de l'émission? Comme ta gueule de mer, toi, l'enculé. Oh, parfait. Bon, bah alors, restez là toutes les quatre, vous allez le chanter après. Tiens, si vous chantez bien, vous aurez le pack fun. Ouais, d'accord. Voilà, donc restez là, ça arrive dans 2 minutes. On fait vite le top tweetos là, maintenant, là, c'est parti. Alors, top tweetos, les 5 meilleurs qu'on va faire dans un instant. Il y a Ted qui dit s'ils appellent mon père tellement il est pervers, il voudrait plus d'infos. Il y a Adeline qui dit les filles mortes de rire. Il y a Antilope qui dit le père de Justine, il est juste énorme. Ah oui, je confirme. Megumi qui dit énorme le père. Et alors, Megumi qui dit t'es trop occupé à draguer Toff. Bon, Jordan, 1m54, 42, 3 kilos, 85C et taille du pantalon 34. Ah oui. Ah oui, oui. T'as mérité deux fois, deux génériques de suite même. Ah bah oui. Bah, attends une seconde, faut que j'en fous. Voilà, tout simplement. Et bah merci Megumi en tout cas. Et puis Adeline aussi qui dit on ne se couche pas, on écoute Mickaël jusqu'au bout. Effectivement, tout à fait. Je te le confirme. Bon, le top tweetos, Toff, ça en est où ces conneries alors? Eh bah écoute, ça en est. Bah ça en est numéro 5. Ah, mais ça en est. Alors numéro 5. Ouais. Ah voilà, ça changerait pas, il y a un petit problème. Alors numéro 5, c'est God Bless Holly. Ah, elle a perdu sa première place, dis donc. Première à cinquième place. Bon bah alors très bien, alors vas-y, numéro 3, numéro 4. Numéro 4, Fullness Hope. Fullness Hope qui elle aussi a perdu sa place. Hein. Oui, ensuite très bien. Donc c'est numéro 3, c'est Ted. Ouais. Ensuite en numéro 2, c'est Storm Dreamer. D'accord. Et la petite nouvelle en numéro 1. Ah, numéro 1, je sais pas. Adeline Jolin. Ouais. Non. Allez Adeline, un petit message de bienvenue pour la peine. Merde, attendez, je me suis gouré. Voilà, un petit message de bienvenue du coup hein, pour être numéro 1, c'est pas mal. Eh ben c'est bien, c'est Adeline. En plus elle a tout fait pour être première ce soir là. Ouais. Félicitations, bravo Adeline. Eh ben voilà, bon, il est temps maintenant de faire péter le générique. Le générique de fin d'émission évidemment. Mesdemoiselles, est-ce que vous êtes toujours là au taquet? Ouais. Bon, le principe du générique, vous le connaissez, c'est ferme ta gueule. Donc c'est les paroles et c'est la chanson, c'est le générique de South Park. Et c'est ferme ta gueule. De merde, toi l'enculé. Tu suces des bites, Toff, te suces, c'est toi l'enculé. Non, ça c'est les paroles adaptées de Polo. Mais bon, en gros, vous chantez comme vous voulez et puis on verra bien, d'accord? Okay, et si, ok. Et si vous êtes vraiment trop mauvaise à ce moment-là, je serai obligé de sévir à coups de pelle. D'accord? Ouais, bon, alors attention, je coupe la musique. On y va, 3, 4. Ferme ta gueule de merde. Ferme ta gueule de merde. Bienvenue sur Calme Fenice. Attendez, attendez, vous m'avez tué la chanson. Oui, ça passe à l'envers. Oh là là. Hey, il faut suivre. Il ne dit pas que 30, pendant 30 secondes, ferme ta gueule de merde, l'enculé. Tu suces des bites, Tof te suce toi, l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Enfin bref. Bon, alors écoutez, quand vous ne savez plus, vous vous arrêtez et nous on reprend pour vous montrer le chemin, d'accord? Car nous connaissons les chemins. Ouais, ouais. Okay. Bien sûr. Allez, on y va, parce que Polo connaît très bien les chemins boueux. On y va. Oh là, oui. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, ferme ta gueule de merde, qu'est-ce qui se passe ici? Espèce d'enculé. Mais que voulez-vous? Elles savent pas chanter. Allez les filles, attention, ça va faire toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, c'est parti. Toi l'enculé. Et attention tous ensemble, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Enculé. Et toi ton oncle c'est l'enculé. Enculé. Enculé. Tous les enculés vrais. Enculé. Suce ma bite. Allez. Eh ben voilà. Oh les filles, vous n'avez pas été mauvaises, vous avez été très mauvaises. Ouais. C'était catastrophique. Ah oui, c'est clair. Non, on n'a pas dit non plus qu'on était super fortes. Hein. C'était bah, une oui, cacophonie sans nom. Oui, c'est vrai. C'est scandaleux. Moi, je peux pas faire que tu es meilleur en plan à 3 qu'en chanson. Bah écoute, je ne sais pas, mais enfin bon, bon. Bon, en tout cas, pour faire plaisir à Sandro, vous allez, elle va prendre vos coordonnées pour vous envoyer un pack fun à toutes les 4. Ah, super, merci. Et si jamais elle vous dit tu vas envoyer un mail, tu dis non, tu prends mes coordonnées maintenant. Non, ça marche par mail, Mike. Non, ça marche pas par mail. C'est comme ça pour tout le monde. Si jamais elle vous demande ça comme ça, c'est qu'elle va pas vous l'envoyer. Donc demandez-lui bien qu'elle prenne les coordonnées tout de suite. Ouais. Et vous pouvez ajouter connasse à la fin. Oui, ça vous pouvez faire aussi, évidemment. Les filles, surtout que moi j'ai un problème d'internet. Donc ah bah voilà. Tu vois tout bien. Ah, elle est relou, Jennifer. C'est clair. Non, mais en plus, c'est vrai quoi. Non, mais t'as raison, on te laisse pas faire. Moi j'habite une petite campagne en Bretagne. Tu voilà, sais, hein. Allez, parce que Sandro avait déjà été les EPC, tout le bordel était déjà dans son lit là, si tu veux. Donc voilà, on rallume tout là, c'est parti. Windows 3.11, il redémarre, une seconde. Bon, ben gros bisous les filles. Bisous. Salut. À demain. Ah oui, à demain. Bah, à demain les filles, bye bye. Merci à tous ceux et toutes celles qui étaient connectés ce soir sur le Twitter, sur le Facebook, bref, un petit peu partout. Merci beaucoup donc. On salue également tous les nouveaux qui sont arrivés. Plus de 203 000 là, sur le. Il y a JB sur le Facebook aussi. Non, attends, il y a sur le 203 000 sur le Facebook de l'émission depuis hier. Merci beaucoup. On remercie également tous les nouveaux et tous les anciens aussi d'ailleurs sur le Twitter. Megumi, Mélanie qui était là. Il y avait David, il y avait Freddy également. Il y avait Elliot, il y avait Léa, Laurine, Pierre, Mamzella, Chemenem, Sadeline qui a terminé numéro 1. Bravo Adeline. Megumi donc, Ludovic, etc., etc. Merci beaucoup à tout le monde. Et on se retrouve évidemment demain à partir de 23h. Tous les soirs, 23h. 3h, 2h. Ah, vous allez me casser les couilles longtemps, là. Mickaël, Mika, No Limit. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et on salue, bien entendu, notre ami... JB. Oui, qui se présente. Tu devrais te changer de nom, hein. Tu devrais prendre Jérôme. Ah, ça, c'est... Quel Jérôme vrai. B. Oui. Non, JB, Jérôme B. J'aime bien. Tiens, il y a Miko C, là, il y aura Jérôme B. J'adore Jérôme, c'est un très très... Mais... Il m'appelait Jérôme dans une vie antérieure. Jérôme ou Jérôme? Jérôme. Ah d'accord, je viens de Toulouse, alors moi c'est Jérôme. Ah bah oui, quand vous l'avez le rose, tout ça, ah, tout est là quoi. Jaune quoi. Jaune, exactement, exactement. Bon, JB qui est en pleine forme, hein, qui va reprendre l'horloge jusqu'à 6h du mat, effectivement. Et apparemment, vendredi, Bruno a failli te taper quand tu l'as imité là. Oh putain, c'est qu'on a enfin, passé... la nuit de jeudi à vendredi plutôt. Ouais. Bon, je l'ai traité de... d'enculé, hein, ouais, tu l'as dit. Vous m'avez poussé. Comment? Vous m'avez poussé. Quoi? Alors non. Quelle alors, honte non. C'était un scandale. Quelle honte non. J'ai envoyé un mail au boss de la radio, Jérôme, donc, et je lui ai dit que ça va pas du tout. De quoi ta place s'est balancée parce que vous m'avez poussé quelque chose que je ne voulais pas. Mais arrête ton cinéma, il faut assumer maintenant. Pour moi, là. Bruno, il est aussi haut que Jérôme. Ouais. Bien plus. Il est peut-être d'ailleurs. Même plus encore, on va savoir. C'est vrai, il est à l'antenne. Ah ouais, c'est vrai. Mais effectivement, bon, effectivement. JB, tu assumeras ce que tu viens de dire. Exactement. Et personne t'a forcé là. Je viens de recevoir un texto de Jérôme, qui est donc le grand patron de la radio, hein, qui veut te voir demain matin la première. Non, pour te faire chier, veut te voir à 15h. Voilà. pour t'emmerder. À 15h précise. Eh bien, je serai là, Jérôme. En plein milieu de ta nuit, ce sera parfait. Bon, du son dance floor cette nuit? On met quoi? Bah, je sais pas, moi. On met Britney? De quoi? Britney? Britney, si tu veux. Oh, toi, t'es un rebelle. Wow, il est fou dans sa tête, le JB. Il casse attention. Toutes les conventions. JB le rebelle. Parce que j'aime bien quand Britney a chaud. Britney transpires. Oh, oh la vanne de la vanne de JB. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire. On est tous fans de JB. Je ne sais que dire. Voilà. Donnez-moi un B. Donnez-moi une mauvaise vanne. JB. On va aller tout seul lui. Eh, hey, tu peux le garder, il a chanté tout seul, tu peux le mettre dans les jingles. Ah ouais, j'adore. Oh, il a honte de lui, regarde. Ouais. Il est 2h10, il y a personne qui écoute à cette heure-là. Bon, allez, en plus, c'est l'émission de JB. Donc, si, t'inquiète pas, il y aura Lucas dans le tracker. Qu'on salue d'ailleurs, salut Lucas. Bon, on se met Britney Spears. Si vous voulez. Allez, c'est parti. Là. Bah, si on veut, en même temps, c'est dans la prog. Hein. Bah, ouais, Britney. T'es tellement rebelle, tu n'oses pas changer la prog, toi. Demain, on met un truc un peu spécial. Allez, bonne nuit JB, Bruno tout à l'heure à partir de 6h sur Fun Radio et on se retrouve demain 23h après le Vin Fun. Ciao.